Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alex Marchand nous dira au revoir en tant que président de la GQTR. Et Daniel nous mettra quelque chose sous la dent dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à l'Assemblage Requis en ce jeudi 27 avril 2017 à moins de 24 heures de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios Tifou à Trois-Rivières. Et ça va être la dernière fois qu'on va pouvoir dire ça, c'est la dernière de la saison. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Je suis comme toute excitée. C'est la dernière. Après ça, on peut dormir. On dit moins de 24 heures parce que ça dépend des gens. Il y en a qui ont déjà fini, il y en a qui finissent demain, il y en a qui finissent lundi même, apparemment. Pour ceux qui finissent lundi, on est vraiment désolés. Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? C'est votre faute, je vais courir après. Ouais. C'est sûr, c'est ça. Bref, 16 heures avant qu'il soit minuit ce soir. Exactement. Aujourd'hui, lâchez pas. Non, lâchez pas. Courage. Le Red Bull, ça se vend pas cher à la Chasse-Galerie. Oui, on est tous dans le même bateau. Donc, aujourd'hui, l'émission, on va voir Alex Marchand à 8 heures pour ses collègues de la GAQTR. Donc, on va parler des nouvelles de la fin de l'année. On lui a pas parlé la semaine passée. Donc, on a quand même beaucoup de choses à résumer. Et c'est la fin de son mandat dans les prochains jours. Ça se termine dans le coin du 1er mai. Donc, on va en parler avec lui vers les 8 heures. Ensuite, à 8h30, on va faire une grosse pointe d'adresse, notre chronique fast-food du jeudi matin. Oui. Et c'est toi qui nous as trouvé quelque chose aujourd'hui. Oui, je t'ai posé quelques questions pour me diriger parce que honnêtement, j'avais deux produits qui étaient complètement différents. J'ai malheureusement, hier, quand tu m'as donné les indications qui répondaient à ma question, j'ai goûté à l'autre produit. Puis finalement, c'est une bonne chose, je ne l'ai pas amené. Ah bon, ma réponse était, ta question était, tu avais deux choix. Oui. Et ma réponse était, les deux. Oui. Fait que je t'ai pas bien aidé. Hein? Ta réponse était d'une... Ouais, attends un peu. Est-ce que je peux la retrouver, cette réponse-là? Ça serait très drôle. C'est quand même drôle. Si tu pouvais aller chercher dans nos... Ouais. Attends un peu. Dans nos messages. J'ai ça ici. Tu m'as demandé mou ou croustillant? Oui. Et je t'ai répondu croustibat. Exactement. Croustibat. La fameuse annonce croustibat. Évidemment. L'annonce qui m'a probablement le plus traumatisée. J'avais jamais vu ça, ça date de 2008, t'es en retard. J'avais jamais vu ça et je viens de comprendre pourquoi. des croustibat. Maman dirait, c'est excellent pour bien grandir. Du délicieux poisson sauvage. Chocolat. Au saumon. Et une chapelure croustillante à l'huile de colza, riche en oméga 3. Croustibat, qui peut te battre? Findus. C'est tellement troublant comme annonce, là. Moi qui ai déjà vraiment de la difficulté avec les Français, tu sais. Oui. C'est difficile pour moi. Ouais, c'est ça. Croustibat, c'est bon. Ouais. Bref, aussi à l'émission, Tania Sgolette s'en vient. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui? J'en avais discuté un petit peu avec toi la semaine dernière. On a eu une grande discussion par rapport à mon sujet de chronique aujourd'hui. Et Mathieu, je vais avoir besoin de ton aide pour participer parce que tu es de ceux qui n'ont pas encore vu la fameuse série 13 Reasons Why. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas, hein? Je pense que là, présentement, c'est un des sujets les plus mainstream ever. Dans les grands médias québécois, on en parle. Exactement. Bien, je vais justement faire le tour avec vous un petit peu de qu'est-ce qui s'est dit dans les gros médias par rapport à cette série-là. Qu'est-ce qu'on a peut-être pas dit non plus? Et surtout, je vais vous donner mon opinion par rapport à ça, mais en te demandant la tienne parce que tu ne l'as pas encore vue. C'est vrai. Et ça m'intéresse à savoir quelqu'un qui l'a pas encore vue, mais qui entend tout ce qui se dit présentement. Voir ça m'a donné envie de l'écouter peut-être. C'est ça. Outre le fait que c'est Selena Gomez qui produit. Oui. Ce qui me donne déjà une bonne... Parce que, ouais, bon, c'est ça, hein? Exactement. Bref, avant de faire Tania is gonna entertain, voici une pièce musicale de Of Course. Hein, parlant de français. Voici Marilyn sur C'est fou. 89 FM. Tu fois de plus, on se retrouve là. Comme des cons, mes lèvres sur tes cheveux gras. De caféine en nicotine, d'aspiration en aspirine. Notre histoire tourne en, notre histoire tourne au spleen. Marilyn, t'as des idées pour, moi j'ai des idées clean. De sa sonnerie pour qu'il est temps de s'appeler. C'est bien ce que tu veux, non? Marilyn, Marilyn, Croustibat. Je suis pas certaine, c'est vrai. Ça me manquait. 2008, c'est loin, on va célébrer le 10e anniversaire de cette pub-là. Franchement. Non, non. Croustibat, qui veut te battre? On vient d'entendre Off Course avec Marilyn. Est-ce que tu te rappelles si c'était français, Off Course? Parce que ça chante français. Ouais, ça ouais, sonne ouais, français. Ça sonne français. Bref, tout ça pour dire que j'ai oublié de mentionner que je voulais dire bonjour au monsieur. Que c'est la, ça fait longtemps que je travaille assez fou. Ouais. Quand même. Et j'ai croisé pour la première fois de ma vie le monsieur à vélo avec okay. un sac poubelle attaché sur le ah, dos ben voilà. qui vide les cendriers oh. de l'UQTR. J'espère qu'il est payé cher. Je sais pas, il a pas l'air. J'espère peut-être. Pour lui. Peut-être. Bref, on le salue. Oui, tout à fait. C'est le moment de parler de choses un petit peu moins. Un petit peu plus. Un petit peu autant. C'est difficile à décrire, comparer. C'est très difficile. Comparer un gars qui vide des cendriers avec son sac poubelle sur le dos à vélo. Ouais. Est-ce que c'est mieux, pire ou égal? Ouf, je sais pas. On parle de suicide. Oui. Dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Tania Baudin. Tu suis aujourd'hui la tendance, on parle de 13 Reasons Why. Ok, oui, je suis la tendance un petit peu parce que je me suis moi-même portée à l'exercice, disons, de regarder la série 13 Reasons Why. En genre une fin de semaine? Genre en trois jours. Trois jours, oui. Et si vous ne connaissez pas encore 13 Reasons Why ou si vous n'avez pas entendu parler de 13 Reasons Why, en vous français, êtes probablement... il y a un titre, hein, c'est 13 raisons. Exactement, oui. Vous êtes probablement cloîtré chez vous sous une roche en train de faire je ne sais quoi parce que clairement tout le monde en parle. Mais pour ceux qui ne savent pas, là, tu sais, juste au cas où comme ça, si vous êtes en fin de session de même, ouais, hein. Puis vous êtes déconnecté de la réalité, bien, c'est une série télévisée américaine qui a été développée par Brian Warkey à la suite d'un roman qui, justement, s'intitule 13 Reasons Why, ou en français 13 raisons, qui a été écrit par Jay Asher. Et on en a pris les droits pour en faire une télésérie. Au début, on parlait d'un film, mais par la suite, on a décidé d'en faire une série originale sur Netflix. Est-ce que ça aurait été mieux un film pour toi, plus droit au but? On va y arriver. On en parlera plus tard. OK, oui. Et dans tous les pays francophones, eh bien, la série est diffusée depuis le 31 mars sur Netflix. Donc, vous pouvez retrouver la version originale comme la version francophone. C'est possible de voir tout ça. Et pour ceux qui veulent pas trop de spoilers, ben je vais juste vous donner le synopsis. Ça, c'est public, même le résumé de la série sur Netflix vous dit ces affaires-là. Exactement. Ouais. Si vous écoutez la bande-annonce, c'est ce que vous allez voir dans la bande-annonce. Je sais que tu peux trouver la bande-annonce en français un petit peu partout, donc si vous la regardez, bien, c'est clair que ça va ressembler beaucoup au synopsis que je vais vous donner. Donc, on parle de Clay Jensen, qui est un adolescent de 17 ans. Si vous réalisez un petit peu 17 ans, on se retrouve en 5e secondaire. Mm-hmm. On reçoit une boîte contenant 7 cassettes de la part d'une de ses amies, Anna Baker, qui, elle, a mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Donc, déjà en partant, la série commence. On le sait qu'en théorie, Anna Baker est censée être décédée. Par la suite, ces 7 cassettes ont tous deux faces, bien évidemment. Donc, deux faces à écouter, parce que dans le temps, c'est comme ça que ça se passait. Ouais. Tu avais deux côtés. Ça se passe cassette. Pas dans le présent. C'est ça. Ben non, mais c'est parce qu'elle décide de faire sur des cassettes. OK. Donc, mais automatiquement, ça se passe dans le présent. Oui, exactement. Okay. Ça se passe dans les années dans l'année 2016-2017. OK, parfait. Chaque cassette contient chacune des raisons qui ont poussé Anna à prendre cette fameuse décision-là. Et chaque face correspond également à une personne qu'elle considère comme responsable de son acte. Elle est perturbée par la... lui est perturbé par la réception des cassettes et Clay va vite essayer de découvrir au fur et à mesure des révélations d'Anna qu'elle va laisser sur ses cassettes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens autour d'elle qui sont pas vraiment ce qu'ils laissent paraître, peut-être, parce que, bon... ce sont des choses qui arrivent. Donc, je vous disais que c'est... est-ce que t'as parlé de 7 cassettes et 13 personnes? Fait qu'il y a comme 14 côtés, mais il y en a un qui... Ouais, il y en a un qui a rien encore. Il n'y a rien encore? Il n'y a rien. Étrange. Il y a 13 cassettes. Il y a 7 cassettes, mais deux côtés, 13 personnes. Parce mais déjà, à la base, il y aurait eu un côté hein? vide. C'est, ouais. C'est une cassette, là. C'est pas mais un on ne parlera pas de gaspillage, la fille est morte. Là. C'est ça, exactement. Donc, vous l'aurez deviné, c'est une série dramatique. Je vous l'ai dit, ça a été adapté selon le roman 13 raisons, 13 Reasons Why, qui a été écrit par Jay Asher. Il y a déjà de cela 10 ans. Okay. Par la suite, on en a fait la production par Julie Moon Production. Les acteurs principaux, vous pouvez retrouver, par contre, entre autres, Dylan Minnette, qui va jouer Clay. Vous allez retrouver Catherine Langford, qui est une actrice australienne qui va jouer Anna Baker parce qu'on la voit quand même dans cette série-là. Vous avez plusieurs acteurs qu'on connaît peut-être pas nécessairement. C'est ça a été peut-être une porte d'entrée pour plusieurs de ces acteurs américains-là et acteurs australiens parce qu'ils sont quand même plusieurs aussi. Et pour moi, c'est plus facile d'embarquer dans une série où les acteurs sont pas connus. On dirait que je les compare moins à d'autres rôles ou leur personnalité normale. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi plusieurs personnes qui se sont identifiés à eux, c'est qu'on a décidé de prendre des acteurs qui étaient jeunes, qui allaient très bien pouvoir se coller à la peau, la sensation d'avoir 17 ans. C'est pas Beverly Hills, 90210. Non, c'est ça, exactement. Là, ils n'ont pas tous 35 ans, mais ils jouent des rôles de 17 ans. Non, on joue aux alentours de 17, 20, maximum 25, mais on joue encore dans la pensée que... on connaît ça, là, cette sensation-là de pouvoir se sentir comme si c'était la fin du monde. Pierre Hébert joue pas un gars d'un adulte de 12 ans. Non, exactement. Et bien, vous l'aurez deviné, ça a été créé aux États-Unis. Tu l'as dit tout à l'heure, l'actrice et chanteuse Selena Gomez est une productrice exécutive sur cette série-là. Elle joue pas dedans. Hein? Elle joue pas dedans. Par contre, c'est elle, au début, qui était censée jouer Anna Baker et on a pris la décision de prendre quelqu'un d'autre. Peut-être justement parce que ça aurait fait parler autrement. Oui, c'est ça. Si on avait choisi Selena Gomez. Même c'est très bonne actrice, en fait. Oui, tout à fait. Puis on a tout simplement voulu, de son côté, pouvoir se pencher sur vraiment le jeu de production. Donc, pouvoir décider de qu'est-ce qui allait être mis au devant dans cette série-là. Oui. Et je pense que c'est une bonne raison. C'est une bonne chose aussi parce que, comme tu l'as dit, on l'aurait peut-être probablement comparé à pas mal de ses rôles déjà en partant. Et peut-être qu'on se serait moins senti interpellé. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais bon. On ne saura jamais, de toute façon. Exactement, on ne saura jamais. C'est des choses qui arrivent. À moins qu'on n'a pas dit qu'est-ce qui se passait à la fin de la saison, mais peut-être que la saison 2 va être un autre, suicide de quelqu'un d'autre. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Sait pas. Si vous êtes au Québec, parce que je ne sais pas pour l'entièreté du Canada, je ne sais pas non plus pour les États-Unis, je sais que, bon, du côté des réseaux sociaux, vous pouvez bien évidemment trouver plusieurs versions de ce que certaines personnes pensent de cette fameuse série-là, que ce soit en anglais ou en français. Mais ici, au Québec même, ça le fait parler dans vraiment tous les journaux, toutes les stations de radio. Salut, bonjour, on a parlé la semaine dernière. Parce que, en partant, la ministre Charlebois s'est dite préoccupée par cette fameuse série-là. Donc, la ministre qui est déléguée à la protection de la jeunesse, bien, elle-même s'inquiète de l'impact de la populaire série pour adolescents 13 Reasons Why sur Netflix. Il faut comprendre qu'à la base, cette série-là, elle est censée être écoutée par des adolescents qui sont au secondaire. Ouais. Des jeunes adultes à l'université peuvent très bien l'écouter, vont se sentir interpellés, mais déjà à la base, on va avoir une vision des choses qui va être différente parce qu'on a terminé le secondaire. Plus de vécu. Exactement. Donc, honnêtement, la ministre déléguée dit que c'est vraiment préoccupant. À l'entrée du caucus libéral, mercredi matin, elle a dit ça. Elle dit qu'être parent, elle serait très préoccupée, elle aussi. Et elle invite surtout les parents à faire attention à ce que leurs adolescents vont regarder, qu'ils se tiennent au courant un petit peu. Puis je pense que c'est un petit peu ça le fait que c'est devenu tant populaire si rapidement, parce que les parents ne connaissent peut-être pas la popularité de Netflix en partant. Donc, Netflix, c'est facile d'accès. Que ce soit pour un adolescent, que ce soit pour un jeune adulte. Je crois que tu peux barrer des cotes, tu peux barrer des trucs d'un certain âge, tout mais en tant que telle, cette série-là n'est pas une série 18 ans et plus. Là. Exactement. Elle est... c'est sûr que... en fait, il y a des messages en début d'émission. Attention, il y a des scènes qui vont être extrêmement difficiles à regarder. Vous êtes avertis. Mais ça ne dit pas, par exemple, le conseil d'un parent. Surveillance d'un parent est conseillée. Si vous avez lu certains articles qui vont, j'imagine, dans les détails, ça montre bien des choses. Oui, exactement. Montre. Tout à fait. Et si je me suicide, montre. Exactement. Ce qui interpelle aussi la ministre, c'est ce qui l'inquiète beaucoup, c'est que ça pourrait toucher certaines personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Ouais. Et c'est là que certains experts au Québec ont commencé à parler. C'est que la série est très démontrée sur l'acte en tant que tel, sur qu'est-ce qui s'est passé avec Anna Baker. Et certains disent qu'il ne faut pas tenter d'interdire l'écoute de 13 Reasons Why aux adolescents. C'est ce que certains autres professionnels croient parce qu'ils pensent qu'au contraire, ça va probablement sonner une cloche d'alerte d'être beaucoup plus conscient à ce que tu vis au secondaire. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire de montrer le suicide? Je pense que... Est-ce que ça apporte quelque chose au scénario? Est-ce que tu comprends mieux la série mais si tu la vois? Tu mets sur le poste, tu te demandes si tu vas pas dégobiller à un certain point. La série aurait fonctionné sans ça, non? Bien, en fait, c'est que tu vois que c'est quand même un geste qui est difficile à faire à un certain point. Parce que ça fait mal. Veux pas. Ouais. De la façon... qu'elle a choisi, là. Ouais, je vais pas vous vendre le punch, là, mais... plus douloureux que d'autres façons. Exactement, c'est plus douloureux que d'autres façons. Et on voit aussi la détermination dans l'acte de passer à ce suicide-là. Donc, à un certain point, on aurait pu ne pas faire un close-up sur l'acte en tant que tel. Ouais. Est-ce que c'était pour faire parler, tu penses? Bien, apparemment, c'était pour vraiment sensibiliser les jeunes et les spectateurs à l'acte qui va être commis. Même si tu veux pas en parler, ça a été commis. Fait que même si tu veux pas le voir, elle l'a fait. Ouais, je comprends. C'est ce qu'on a dit, en fait, dans plusieurs entrevues avant que la série sorte. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrevues qui sont sorties avant que la série sorte. Donc, par exemple, des panels qui ont été discutés aux États-Unis. On a fait vraiment la promo autour de tout ce qui était la conscientisation face au suicide, la conscientisation face au bullying, qui en français l'intimidation. Est l'intimidation, exactement. Les agressions sexuelles, ce sont tous des choses que l'on peut voir dans la série. Donc, on a vraiment porté la promotion de cette nouvelle série-là sur tous ces sujets-là. Où je veux en venir, ouais. Et là, je vais vous donner mon opinion, vous en ferez ce que vous voudrez écouter. Je savais dans quel état d'âme j'allais commencer à écouter cette émission-là. Déjà en partant, il y a plusieurs personnes qui avaient commencé à dire qu'ils l'avaient écoutée. J'ai commencé à l'écouter un petit peu sur le tard, je dois avouer, parce que je savais déjà en partant que ma façon de penser n'allait pas me faire aimer cette série-là. Ouais. Je me suis retrouvée dans une certaine situation où j'ai pas eu le choix d'écouter un des épisodes. Et... c'est louche un peu, mais OK. Ben ouais, c'est ça, on m'a attaché et ouais. On m'a fait écouter la série. Non, c'est vrai. oui, c'est ça. Non, en fait, je suis arrivée chez une amie et on écoutait la série. Pas sûr que c'était une amie, mais OK. Ouais, c'est ça. Donc, je suis arrivée puis la personne en particulier était en train d'écouter la série. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle était en train d'écouter et on m'a répondu la fameuse série 13 Reasons Why. Là, j'ai fait « Oh, mon Dieu! » Mais t'as aimé ça, non? Il faut que je m'assoie puis j'écoute le reste de l'épisode. Mais ça, c'était genre au milieu de la série, là. La personne était déjà rendue au 4e épisode. Ouais. Si vous calculez le nombre d'épisodes qu'il y a dans la série, 13. Il y en a 13. De combien de temps? De 45 minutes, okay. 60 minutes chaque. Vu que c'est une série originale Netflix, on peut aller jusqu'à 50, ouais. Si je me souviens bien. Donc, certains épisodes sont un petit peu plus longs. Voilà où ça m'a interpellée, c'est justement la durée de cette série-là. Mm-hmm. Parce que si vous prenez en considération un geste comme celui-là, il y a beaucoup de choses qui, dans la réalité, c'est-à-dire que si je sais pas moi, si demain matin on apprend que quelqu'un qu'on connaît s'est suicidé, on n'aura pas les explications qu'Anna Baker a décidé de faire sur des cassettes. À moins, je suis désolée de dire ça, que cette série-là ait donné l'idée de laisser des cassettes à tout le monde qui va se suicider. T'sais, les gens laissaient une note de suicide, ça arrivait quand même fréquemment. Ça arrivait fréquemment, mais la plupart du temps, quelqu'un qui va se suicider va laisser absolument aucune note. Ouais. Et ça, c'est pas nécessairement moi qui le dis, mais ce sont vraiment des chiffres face à la sécurité publique et tout ça au Québec et au Canada. Donc, la plupart du temps, les gens vont passer à l'acte tout simplement. On peut pas expliquer pourquoi on le fait. C'est quelque chose qui se passe en dedans de nous. La plupart du temps, on va être dans un état extrêmement dépressif. Mm-hmm. Donc, c'est là que je veux en venir. C'est la durée de cette série-là. Et c'est drôle parce que j'ai lu plusieurs articles qui disent pourquoi est-ce que j'aime pas 13 Reasons Why, pourquoi est-ce que j'aime 13 Reasons Why. Et un des articles qui m'a le plus rejoint, en fait, c'est un article qui a été écrit sur narcity.com. Mais ça a été écrit par une fille avec qui j'ai étudié à ProMédia, donc Marie-Christine Pinochet, qui, elle, a écouté 13 Reasons Why et qui dit « J'ai perdu mon temps ». C'est sévère. Oui, je sais. Je vais vous le mettre sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous pourrez en dire ce que vous voudrez, vous réfuterez si vous voulez. J'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai eu de la difficulté, comme je le disais, c'est la durée parce qu'on décrit tout ce qui s'est passé seulement sur 13 épisodes. Quand en temps normal, si tu dis, par exemple, que tu veux laisser 13 cassettes qui expliquent ton suicide face à 13 personnes différentes, bien clairement, il y a deux côtés à une médaille. Mm-hmm. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Et c'est là que je dis que moi, je savais dans quel état d'âme j'allais commencer à écouter cette série-là. C'est que j'ai tendance à toujours me dire « Attends, là. Oui, tu peux être victime, mais tu es toujours responsable de ce que tu fais. » Exactement. C'est pas une excuse. Exact. C'est sûr que lorsqu'on se retrouve au secondaire, ce qu'on a voulu mettre de l'avant dans cette série-là, c'est que la jeune fille, Anna Baker, se retrouve au secondaire et c'est des jeunes filles et des jeunes garçons du secondaire qui vont écouter cette série-là. Et leur vie va être changée pour toujours et ils vont se sentir coupables de quelque chose qui n'est pas nécessairement complètement leur faute parce que la fille avait un problème mental qui l'a mené à un suicide. On s'entend que si tu décides de passer à l'acte pour n'importe quelle raison, pour n'importe quelle personne qui aurait pu faire quelque chose, tu te retrouves dans un état dépressif. Ouais. Oui, c'est en quelque sorte... Tu sais, la limite est vraiment mince. Il faudrait quasiment parler avec quelqu'un qui est un expert, tout simplement, mm-hmm. De la dépression, un psychologue. Ce que les autres médias vont faire, exactement, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Ce qu'ils ont tous déjà fait. Ouais. Mais moi, c'est vraiment là que j'ai eu de la difficulté. C'est la durée, c'est mal expliqué. Oui. La série est mal expliquée. L'acte est mal expliqué. Tout ce qui a été laissé sur les cassettes sont expliqués d'un seul point de vue. Le point de vue d'une jeune fille qui, en partant, avait déjà des problèmes avec elle-même. Ouais. Donc oui, automatiquement, elle va... Je suis désolée, là, mais ce qu'elle passe à faire durant les 13 émissions, là, c'est culpabiliser les autres d'un geste qu'elle a elle-même commis. Ouais. C'est là que j'ai de la difficulté. Tu ne peux pas laisser derrière toi 13 cassettes en 10 ans que tu vas les passer à 13 personnes bien spécifiques et que tu vas dire dans ces cassettes-là que la raison pour laquelle tu t'es enlevé la vie, ce sont eux. Non. Non. Je refuse. Je pense, non. C'est, selon moi, c'est vraiment là que j'ai eu de la difficulté. Et je vais vous avouer que lorsque je suis arrivée chez la personne en tant que telle qui était déjà en train d'écouter 13 Reasons Why, je me suis dit, bon, je suis à l'épisode 4, peut-être que j'ai pas tout compris, peut-être pour ça que ça me fâche un peu. Je vais recommencer du début. J'ai réécouté les 3 épisodes qui me manquaient et je me suis clenchée le reste en exactement 2 jours. Ouais. OK? Je pense que j'avais des poches en dessous des yeux. J'espérais probablement, fortement, que la série allait me faire changer d'avis. Je savais à la base quelle était l'histoire. Tu sais, tout le monde le sait, tout le monde a vu la bande-annonce veut pas sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Netflix directement. Donc, à un certain point, je savais ça allait être quoi l'histoire. Je savais que la jeune fille allait déjà... commettre l'acte en tant que telle. Je savais qu'elle allait laisser 13 cassettes derrière elle. Par contre, je savais pas qu'est-ce qui se retrouvait sur ces fameuses 13 cassettes-là. Et je dois avouer que oui, il y a des gestes qui troublent une vie. Oui, c'est une bonne chose d'en parler, d'intimidation, de suicide. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses à cette série-là. La série se fait quand même ramasser très, très fort dans les médias, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis. Mais il y a quand même certaines bonnes choses qui découlent de cette fameuse série-là. La discussion qu'on en retire. Exactement. C'est bien fait. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en clairement. Ça, je suis un peu moins d'accord. Mais clairement, parce que ce soit des bonnes choses ou que ce soit des mauvaises choses, eh bien, on va quand même beaucoup plus parler dans les prochains mois de la conscientisation face au suicide et la conscientisation face à ce qui se passe dans les écoles secondaires, par exemple. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des actes qui ne sont pas excusés. Je dis pas que... Je suis pas en train de mettre un aux actes qui ont été faits en disant que c'est de sa faute qu'elle se soit suicidée. C'est pas ce que c'est un peu narcissique de mettre la faute sur les autres quand exactement. C'est dans le fond, toi, t'as une petite part de responsabilité là-dedans. C'est ça. Oui, il y a des actes qui font en sorte que tu te poses toi-même la question en écoutant la série, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Je vais pas découler les actes. Vous écouterez vous-même la série. Vous ferez vous-même votre propre opinion. Si vous l'avez déjà vu, vous savez déjà de quoi je parle. Il y a des gestes, des actes qui sont commis envers Anna où tu te dis, OK... Je vais mettre l'émission sur pause, je vais me demander qu'est-ce que j'aurais fait pendant 2-3 secondes. Et c'est on peut s'imaginer de la violence, des viols, et si, c'est exactement, ça. Exactement, okay. Imaginez n'importe quoi par la suite, allez écouter l'émission, vous aurez votre réponse. Et par la suite, on fait la réflexion, bien évidemment, en ayant terminé cette série-là, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais préféré qu'Anna Baker fasse? Ouais. Et la... J'ai comme une petite difficulté, en fait, avec le fait que le jour de l'anniversaire des 10 ans du livre, Jay Asher, qui est l'écrivain du livre, a avoué que dans la version originale du livre... Non publié, Anna Baker reste en vie. Parce qu'elle décide et elle réalise qu'après son secondaire, il y a une vie qui commence. Les choses changent pas mal après. Là. Et ça, ce n'est jamais, mais jamais exploité dans la série. C'est le genre de choses que je trouve bizarre parce que si l'émission avait été diffusée sur une chaîne de télé, je sais pas, dans le temps ABC Family ou peu importe, dans le sens, on va s'imaginer Degrassi, OK? Mettons, Degrassi a fait des émissions sur à peu près tout. Il y a des gens dans Degrassi qui se sont suicidés. C'est exactement là. Ça. Il y a eu des meurtres dans Degrassi. Oui. C'est super intense comme émission. Quand tu prends le temps de l'écouter, c'est pas une série pour enfants tant que ça. Non. Non, exactement. Bref, peu importe. La première génération comme la deuxième. Là, oui, exactement. Mais, et même la plus récente, le New Class ou peu importe. Oh mon Dieu, OK, je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est pas je suis rendu vieille. Il y a un autre nom, en tout cas, peu importe. Mais c'est pour dire que des fois, il y avait une émission spéciale, un épisode particulier sur un sujet, et après ça, tu avais une émission de discussion qui était présentée après pour l'accompagner avec un public, puis des jeunes, puis des commentaires, des citations de gens. Oui, tout à et, fait. C'est peut-être ce qui aurait été bon à avoir après cette série-là. Après le dernier épisode, tu aurais pu avoir un épisode de d'explication. D'explication de tout ça. Peut-être une entrevue avec l'auteur. Qu'est-ce qu'il voulait apporter avec ça? C'est peut-être ce qui manque. Parce qu'en fait, on a vraiment pris le livre et on en a fait une adaptation. Ouais. Et c'est peut-être là aussi que j'ai de la difficulté. C'est le fait que le geste semble être la seule solution possible. Ouais. C'est sûr et certain que lorsque vous allez écouter la série ou si vous avez écouté la série, on se rend compte que c'est un seul point de vue qui est expliqué et qui est expliqué à la personne qui écoute les cassettes. Donc, ouais. Veut pas, la personne qui écoute les cassettes se ramasse à la position d'Anna Baker. Elle se ramasse à savoir tout ce qu'Anna Baker dit. Mais à un certain point, tu te demandes, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Parce que clairement, si déjà en partant, elle était dans un état où elle avait pas confiance en elle, si elle était déjà dans un état dépressif pour X raisons qui s'est passé, je sais pas moi, dans cassette numéro 2, dans quel état d'esprit est-ce qu'elle était lorsque elle a réalisé que ces choses-là étaient en quelque sorte de l'intimidation ou peu importe. Ouais. Et c'est un petit peu là aussi que j'ai de la difficulté, c'est que maintenant, on va faire de la conscientisation face à ce que tout le monde soit gentil avec tout le monde. On va faire de la conscientisation face à la dépression. Mmh. On va faire de la conscientisation face au suicide, mais on dira jamais à quelqu'un « t'as le droit hein, de dire au monde ça suffit ouais. » sans nécessairement, on s'entend, sans nécessairement frapper sur quelqu'un ou sans nécessairement passer un acte violent, mais jamais au grand jamais, elle se fâche. Mmh. Et ça, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que si vous avez été au secondaire, si vous avez été, par exemple, victime d'intimidation ou quoi que ce soit, à un certain moment, soit un de tes amis ou soit toi-même va commencer à parler. Il va se passer de quoi? C'est vraiment, j'ai de la difficulté avec la série et j'ai de la difficulté aussi avec le fait que les gens qui ont écouté cette série-là et qui ont déjà été au secondaire, par exemple, qui ont déjà passé par des moments comme ça et qui s'en sont sortis, à la fin de l'émission, tu te sens coupable de t'en avoir sorti. Ouais. Parce qu'on te montre cet acte-là comme étant la seule solution à tes problèmes. Mm-hmm. Parlant de témoignages, comme j'ai dit tantôt qu'on devrait avoir... Un grand amateur de séries télé, exactement. Alex Marchand. Oui, bonjour. Salut, bon matin. Est-ce que t'as regardé 13 Reasons Why? Non, je suis pas dans le bon, je pense, mood. Le mood. Ça, parce que là, je suis en fin de mandat, puis là, je me cherche une raison d'exister autre que le GE. C'est ça. Je suis pas sûr que c'est le bon moment de regarder quelque chose qui va me faire broyer pendant 5 heures. Là. Ben, tu vois, je voulais qu'on arrive à me faire pleurer parce que je savais justement. Parce que dans la vie, comme je le disais tout à l'heure, je suis toujours du genre à me dire. Peu importe ce qui arrive, t'as une part de responsabilité puis t'as une part de conscience aussi. C'est sûr qu'en cinquième secondaire, ta part de conscience est peut-être pas aussi développée que rendue à l'université, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a un certain moment où que tu te dis « fuck off ouais. ». Genre, c'est des mangeux de... Mais elle parle t'sais, à un psychologue pour ça dans l'émission. Elle parle au conseiller de l'école. OK. Est-ce que tu penses que ça aurait été une bonne façon à la place d'avoir un talk show après ou peu importe, comme je disais, d'avoir le conseiller ou le psychologue qui pourrait exposer des choses à peut-être ses parents dans la série entre les témoignages ou les cassettes des gens? Bien, en fait, ce que vous allez voir, c'est que dans la série... parce que je sais que les deux, vous ne l'avez pas vu, donc automatiquement, je ne vais pas vous vendre de punch ou quoi que ce soit, c'est mais vrai. Remettez-vous... À nos auditeurs non plus. Ouais, c'est ça. Remettez-vous dans l'idée, quand vous étiez au secondaire, combien il y avait de gens qui allaient voir le conseiller de l'école pour parler de leurs problèmes? Quelles sont les compétences d'un conseiller de l'école? Est-ce que quelles sont les compétences d'un conseiller... Je sais pas, je pose la question. Non, mais moi aussi, je pose la question. Ouais. C'est un travailleur parce social. Parce qu'à un certain moment, ouais. Tu dois travailler avec ce que la personne devant toi te dit. Travailleur social voulant dire, tu sais, s'il y a des problèmes de drogue, tu les réfères à quelqu'un d'autre, mais est-ce que tu as des compétences en psychologie? Ben, j'imagine que tu as des compétences oui. Où, à lire le non-verbal à un certain ouais. Point. Je dois avouer que dans l'émission, c'est très dramatique. Là. C'est une série dramatique. Donc, on a joué sur le fait que le conseiller comprend pas. Ah, ouf. C'est drôle, hein? Okay, ouais. Je sais pas si c'est une bonne façon d'apporter le sujet à la télé. C'est ça que je dis, c'est que ça a été mal expliqué. Puis on dirait qu'à un certain moment, dans certains épisodes, ils ont voulu pousser au point où tu dis « OK, elle a vraiment plus de solution. C'est vraiment la seule solution qu'elle a. » Donc, on a vraiment poussé au point où, que, à certains moments, là, c'est malaisant de dire « Ça peut pas être comme ça. Ouais, c'est pas la réalité. Vous avez poussé trop loin pour que les jeunes comprennent. Mais la seule chose que les jeunes comprennent présentement, et certains experts le disent, c'est que c'est montré comme étant le seul acte que tu peux faire si tu as un problème à l'école. Mmh. Mmh. Puis il y a déjà des actes, je sais pas si tu en avais parlé tantôt, parce que je manquais un bout tantôt le moment, j'étais allé à mon char puis je suis arrivé ici. Puis c'est ça, il y a déjà eu des actes d'imitation de qu'est-ce qui a été fait par certains jeunes. Parce que c'est prouvé psychologiquement que quelqu'un qui va entendre parler d'un suicide ou quelque chose comme ça, qui est fragile. L'effet éponge, joint. Ouais, c'est la même chose qu'un meurtrier, les copycat killers, ce qu'on appelle. Oui, puis en même temps, c'est exactement, il y avait ça dans un livre justement sur l'influence, que quand c'était marqué dans les journaux, mettons, suicide d'une personne, ben, dans la même région, souvent, ils peuvent observer statistiquement plus de suicides dans cette région-là. Fait que là, il y a déjà, on parle qu'il y aurait déjà peut-être cette problématique-là par rapport à cette série-là, parce que les jeunes qui voient pas d'autres... Exact. Puis je vais terminer avec le questionnement en fait que tout le monde a, parce que la saison 1 termine sur un questionnement où tu dis, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Si on regarde ça comme ça, en temps normal, il y a un seul livre, 13 Reasons Why. Donc, si on fait une saison 2, la saison 2 est créée de A à Z par les mêmes producteurs qui ont fait la saison 1, mais sans soutien d'histoire. Là. C'est vraiment... Peut-être que l'auteur pourrait participer à la deuxième saison. Ça. Exactement. Mm-hmm. Par contre, puis je l'ai dit aussi sur mon Facebook personnel, je l'ai réfuté aussi dans certains commentaires d'amis sur Facebook ou peu importe. Je crois que la saison 2 serait une bonne explication à la saison 1 si on veut se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné dans la saison 1. Mm-hmm. Tu sais, prenez plus que 13 épisodes. Je sais qu'il y avait 13 cassettes. On a voulu montrer ça sur la durée. C'est cute de faire ça comme ça. C'est cute. Sauf que c'est vraiment mal expliqué. Ouais. Là. Tu manques de temps à ta série. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait en sorte que tu as l'impression que l'acte qu'elle fait est la seule solution. C'est que c'est expliqué en 13 heures. Ouais. Moins de cassettes, plus de contexte. Peut-être. Exactement. C'est une série de 13 heures, mais en théorie, ça se déroule sur un an. Ouais. C'est très peu de temps pour expliquer un an avec des cassettes qui culpabilisent d'autres jeunes d'un geste que t'es la seule à avoir commise. Ouais. T'es la seule à l'avoir fait. Mm. Donc, ces jeunes-là vont non seulement vivre avec la culpabilité que tu leur laisses, mais aussi déjà la pensée que ce qu'ils avaient fait n'était pas déjà correct. Ouais. On veut pas faire du victim blaming, mais étant donné que c'est elle la tueuse... C'est du killer. Il y en a beaucoup qui disent que, en fait, ce qui fâche de cette série-là, c'est que c'est elle qui se ramasse à être la plus grande intimidatrice dans tout ça. Ah, ben c'est peut-être ça la morale aussi. Peut-être. C'est pas clair. Tu peux. Tu sais, en 2017, on a beaucoup parlé de victimisation, là, le fait de se sentir victime de tout. À certains moments dans l'émission, là, je dois vous avouer là, que j'ai fait pause parce que j'étais fâchée du fait qu'elle disait que tout lui arrivait. On a entendu que quand tu frappais sur la table, que t'étais fâchée tantôt. Exactement. Qu'elle fait absolument rien. Si t'es tanné d'être une victime, là, tu vas t'arranger pour arrêter d'être une victime. Oh, ouais. Ça dépend, c'est pas aussi facile que ça, je pense. Par exemple, je peux pas être d'accord avec l'ensemble de ça parce que l'affaire, c'est qu'au secondaire, nécessairement, ça prend une certaine capacité pour se fâcher. C'est comme tu disais, je le sais pas, je l'ai pas vu la série, sauf que tu me disais qu'elle se fâchait jamais. Puis c'est généralement ce que les victimes font, mais pas se fâcher, puis genre trouver ça drôle ou whatever. Ouais. Participer à la limite pour faire partie de la gang, tu sais. Mais c'est là qu'on devrait. Conscientiser. C'est pas facile d'être en crise. Quand t'es habitué d'être pacifique, se fâcher, pogner les nerfs. Mm-hmm. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai appris ça cette année. Alex, depuis qu'il est devenu président de la GE, ben oui, on se fâche. Ben, c'est normal dans un contexte où il y a beaucoup de pression de tous les bords. Un moment donné, le cerveau fait comme « je suis plus capable ». Puis là, ben, la mèche est vraiment plus courte. Avant, j'avais une mèche, esprit, elle faisait 1 km de long. Mais c'est parce à cette heure, elle fait 2 pieds. J'ai l'impression que quand on est jeune, tu sais, quand on est au primaire, tout ça, souvent, on va se faire dire « sois gentil avec les autres mm-hmm. ». Les autres vont être gentils avec toi si t'es gentil avec les autres. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Mm-hmm. Puis je pense que c'est là aussi qu'on devrait conscientiser les jeunes à un certain point, à dire « t'as le droit de dire que ta limite est là mm-hmm. ». Ce qu'on ne fait jamais... Mmh, mais il y a tellement un carcan social aussi au secondaire qui est tellement restreint, c'est toujours les mêmes gens. T'as, veux pas, une espèce de hiérarchie qui vient se créer socialement avec des gens qui sont plus qui vont être plus les centres d'attention, puis des gens qui vont se faire blaster par ceux qui ont plus d'attention. Il y en a qui vont être gentils dans ceux qui ont plus d'attention, mais il y en a certains aussi qui vont avoir tendance à intimider les autres pour se remonter puis se mettre en valeur, tu sais. Mais justement, ces personnes-là, ça crée des victimes, puis ça crée justement des situations comme dans 13 Reasons Why. Puis les victimes ne savent pas toujours comment réagir, mais je suis d'accord que oui, il devrait avoir des ressources qui seraient allouées à faire en sorte que ces gens-là savent comment se défendre. Exactement. Parce qu'ils ont le droit de péter une coche, ils ont le droit de dire que c'est assez. Exactement. C'est fini. Est-ce qu'on parle de comment? Quand t'es tanné, là, t'as le droit de le dire. Ouais. Est-ce qu'on parle un peu des parents dans la série? Ils sont où, Les parents sont là, mais les parents sont des parents d'une jeune fille du secondaire. Je trouve qu'à un certain point, le jeu des parents est très bien fait. Là. Mm-hmm. Après l'acte, là, c'est débile parce que tu te rends compte qu'est-ce que ça fait de perdre un enfant. Ouais. Sauf que les jeunes du secondaire vont automatiquement penser que leurs parents ne les écouteront pas en écoutant la série. Mm-hmm. Et donc ça t'encouragera pas à parler à tes parents. Fait que les leçons que t'apprends de cette série-là ont pas l'air d'être très très bonnes. C'est ça. Non, ça, ouais. Je suis d'accord que peut-être qu'il y a des moins. Puis tout à l'heure, va pas parler à ton conseiller, va pas parler à tes parents. C'est ça. Il fait juste blâmer le monde. Puis tout à l'heure, je parlais de la durée de l'émission. Elle essaie de parler à ses parents une fois. Ouais. Je sais que quand t'es au secondaire, des fois, tu veux pas nécessairement parler de tes problèmes à tes parents et tout ça. Mais je pense que aussi, on devrait conscientiser peut-être les parents à avoir une relation avec leur enfant ou que tu peux dire. Puis, qu'est-ce qui se passe dans la vie, là, tu sais, mettons? Mm-hmm. Tu sais, moi, je me rappelle, ça me gossait, là, j'arrivais de l'école, là, au souper, mes parents me disaient, puis ta journée? Hey, j'ai haïssé ça! Mm-hmm. J'ai haïssé ça! J'étais comme, il s'est rien passé dans ma journée, genre, arrêtez! Ouais. Mais au fil des années, tu réalises que c'est parce que tes parents, ils veulent savoir si tu vas bien, ils veulent savoir s'il se passe de quoi. Si, là, ils m'avaient posé cette question-là, puis j'étais partie à pleurer, automatiquement, mes parents auraient réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école. On va pas se mettre à blâmer les parents là-dessus, parce non, que ça va être la même affaire que la série, mais tu sais, elle a quand même passé probablement, genre, 13 heures à enregistrer sa voix pour dire aux gens qu'elle est suicidée, puis personne ne s'en est rendu compte. Dans sa chambre. C'est ça. Ouais. Chez elle. Juste ça de même. Ouais. Une série 2 pourrait expliquer vraiment. Une saison 2 pourrait expliquer vraiment. Est-ce que tu penses que la série 2 pourrait venir patcher un peu les problèmes de la série en venant. En repartant presque au début ou en réexpliquant les choses qui sont passées entre ce qu'on a vu? En fait, j'aimerais ça. On a eu plusieurs entrevues qui disent que s'il y a une possibilité d'une saison 2, on va peut-être plus axer sur justement la maladie mentale, la conscientisation qui n'est pas faite à la bonne place à un certain moment. Donc, j'espère. C'est peut-être en fait, un prélude, on va voir. Ben, c'est leur filet. Là, si après une saison 2 vous vous plantez s'ils encore s'ils veulent se sauver la peau parce que peut-être que c'était pas dans les plans mais avec le en fait la saison 2 a été discutée lorsqu'ils ont lancé la saison 1 parce que c'était tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux là. C'est devenu populaire sur les réseaux sociaux donc depuis quelques semaines en fait certains scénaristes seraient en train déjà de travailler à la saison 2. C'est ça tu viens de dire le succès est là mais c'est peut-être pas le bon genre de succès qu'on veut avoir à cette série là. Je sais pas. Je pense qu'on n'a pas fini dans le temps de parler, exemple. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle. Je pense que c'est une bonne chose qu'on discute justement de qu'est-ce qui est mal ressorti de cette série-là, qu'est-ce qui est bien ressorti de cette série-là. Où j'ai de la difficulté, c'est les gens qui vont dire que oui, c'est correct qu'elle l'ait fait. Ouais. En même temps, je pense que c'est correct parce qu'en même temps, t'sais, oui, c'est peut-être mal fait, sauf que ça ramène le sujet du suicide dans l'actualité. Ouais. Tu sais, je pense que. Tu sais, moi, je suis sentinelle de la prévention du suicide. J'avais fait la formation qui se donnait à l'UQTR. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui pensent pouvoir le faire parce que ça l'amène vraiment à mieux comprendre qu'est-ce que le geste, comment que ça peut se passer, comment prévenir. Puis bref, je pense que c'est pertinent qu'on en parle dans l'actualité, qu'on remette ça en question, puis qu'on en parle en fait. Parce que c'est quand même important. C'est pas juste un divertissement, c'est pas juste une dramatique. Non, ça porte à autre chose. Tout à fait. Effectivement. Mais Mathieu, à la suite que tu sais tout ça, là, on en avait discuté la semaine dernière, on vient d'en rediscuter. On a dit la plupart des mêmes choses qu'on vient de dire. Oui, tout à fait, parce que je voulais pas nécessairement spoiler des affaires. T'as vu des bandes-annonces, t'as vu des articles sur Internet. Ouais. Est-ce que tu crois écouter la série? J'aimerais, oui. Je pense que je vais l'écouter, en fait. Parce qu'il y a une curiosité humaine qui malsaine. Fait que tu... Ouais, vraiment malsaine. Et je vais avouer que c'est pour ça que j'ai écouté le restant de la série. Je voulais vraiment arriver à ce qui me fasse dire « OK, genre, je file vraiment pas bien par rapport à moi, là, ou je suis vraiment une pas fine dans la vie, ou je voulais pleurer, ce que je n'ai absolument pas fait. » Ah, c'est dommage. Ouais. Puis là, j'ai fait... Je connais quelqu'un qui a pleuré comme une madeleine. Ouais. En regardant ça, là. Moi aussi, j'ai des amis qui... Il y a un épisode où j'ai eu de la difficulté, que j'ai dû mettre l'épisode sur pause, non pas parce que je pleurais, mais parce que je trouvais ça dégueulasse. Il y a un seul épisode où j'ai eu de la difficulté à écouter, puis c'est le seul épisode qui me fait penser que c'est ça qui a fait en sorte les comme oui, par exemple les autres cassettes sont absolument mettons. Rien ouais, ouais exactement oui, ouais. Donc en tout cas vous écouterez la série puis mm-hmm. vous en ferez votre propre c'est un peu comme un livre que t'as pas le goût de continuer mais que tu dois continuer quand même. Je sais c'est que la curiosité hier, humaine okay, vraiment ouais. Là qui fait que tu t'arrêtes pas après 2-3 épisodes mais t'arrêtes après 2-3 pages sur les livres plates exactement. Ouais c'est ça exactement oh boy. Ouais Alex Marchand tu nous as parlé d'être sentinelle anti-suicide donc c'est l'association québécoise de prévention du suicide AQPF AQPS.info oui, oui. Dans la section aider si vous voulez devenir sentinelle sinon allez voir les gens de l'OGS j'imagine qu'ils vont vous aider là-dessus exactement et le centre de prévention suicide des Deux-Rives nos amis dont on parle à chaque année qui sont situés sur la rue Univerville à Trois-Rivières sinon c'est prévention-suicide.qc.ca on va mettre les liens sur la page Facebook oui merci Alex merci Tania et merci Tania fait plaisir pour ce résumé de 13 Reasons Why maintenant sur Netflix je voulais dire le numéro de téléphone de prévention suicide 1-866-APPEL voilà. Pour terminer ta chronique, une petite chanson qui a l'air de provenir de la série. Oui, tout à fait. Cette chanson-là revient à plusieurs reprises dans la série parce que on se rappelle, en gros, la série va se passer entre Clay, le jeune garçon qui va écouter les cassettes, et Anna Baker qui a fait les cassettes. Donc, la pièce s'appelle « The Night We Met » par Lord. Tu me rappelles le nom de famille? Oh, attends un petit peu. Udon. Est-ce que j'ai ça? Lord Udon. Ouais, c'est très drôle. J'ai pas le nom de l'artiste sur c'est le MP3. Assez, je vais le trouver. Okay. Il me semble que c'était Huron, comme le lac. Tantôt, quand tu me l'as Huron, exactement, Huron. Lord Huron. Bon, ah ouais. On écoute ça, Assemblage Rocky. Ah, c'est Lord, ok, pas Lord B. C'était la chanson de Hannah et Clay, The 13 Reasons Why, par... c'est qui? Par Huron? Oui, Lord Huron. Lord Huron. C'est The Night We Met. C'est lui qui a parti le lac, là. Ouais, c'est une fille. À ne pas confondre avec non, Lord. Non, c'est un gars. Ben là, c'est Lord Huron. OK. Je sais pas. Lord comme un seigneur, C'est moi, c'est ça? Ouais. Pas avec un E. Pas de E. Pas Lordy. Non, pas Lordy. Lordy. Ah, c'est Lordy qu'on prononce? Ah, ben je mon sais Dieu, pas. Ça manquait à ma culture. Il me semble que oui. Je sais pas. Je sais pas. Bref. C'est un groupe, en fait, c'est pas juste un gars, c'est un groupe Lord Huron. C'est un groupe américain de indie folk. Bon, voilà. Maintenant, on le sait. Merci pour ta chronique, Tania. Ça fait plaisir. C'était la dernière chronique de la saison. On va se reprendre cet été, les jeudis après-midi, entre 14h et 17h. Une chronique par semaine au lieu de 4. Tout à fait. On prend une pause au retour. On parle de la GQTR avec Alex Marchand. Restez là. Vous êtes assez fou. 89.1. Vous êtes à Assemblage Requis en ce jeudi matin 27 avril 2017 à Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On est toujours avec Alex Marchand. Allô. Léo. Et maintenant, c'est le moment de faire la vraie chronique d'Alex. On parle de l'AGEUQTR. AGEUQTR, AGEUQTR, AGEUQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTR parce que l'AGEUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo. On va débattre un petit peu ensemble de ce qui s'est passé à l'AGEUQTR depuis les dernières semaines parce que t'es pas venu à l'émission de la semaine passée. Puis l'autre d'avant non plus. L'autre d'avant non plus, ça date de trois semaines. Ah oh, ouais, j'étais dû, là. Ouais, c'est ça. Ben, il s'est passé. La fin de mardi, mesdames et messieurs, là. Et c'est, voilà. C'est pas facile. C'est moi. Ah ouais, ouais, ouais, pas vrai. Au moins, on doit dire qu'il n'est pas allé à l'entrepôt hier, l'entrepôt d'alcoolique anonyme. Non, je vais te laisser faire ton jeu de mots, Mathieu. Ah, tu pensais que j'ai mis cette idée-là pour pouvoir faire mon jeu de mots d'hier soir? Voyons, non. J'ai dit qu'il était sage. Sage et un QD. Je voulais pas prendre le copyright. Je comprends pas comment les gens ont pu se rendre à l'entrepôt en fin de session. J'avoue, mais... comme ils ont l'air de quoi ce matin? Les examens aujourd'hui, il y en a plein. Ben, il y en a qui ont fini leur session aussi. Ah, c'est ouais, ça. Hein? J'imagine. Ouais, hier, j'ai croisé des gens qui festoyaient leur fin de session. Mais ça aurait pas été mieux de faire ça ce soir, parce qu'il y a plus de gens qui vont avoir fini leur session ce soir. Ah, évidemment. Ouais, mais on en reparlera plus tard. Il y a de quoi ici ce soir? Il y a de quoi ici ce soir? Peut-être même qu'on en parlera avec Alex. On va voir. On va y aller une chose à la fois. Ben, pourquoi pas? On commence par le passé, hein, avant aujourd'hui. Donc, commençons par l'AGEA de l'UEQ. Oui, UEQ étant l'Union étudiante du Québec. C'est wack. Donc ça, c'est présentement la plus grosse association nationale universitaire de représentation des intérêts étudiants face au gouvernement. Mm-hmm. Notamment, ils ont travaillé sur un dossier cette année qui était les 80 millions de transferts fédéraux qui soient réinvestis en aide financière aux études, ce qui a été fait. Donc, il y a eu une croissance de 10% cette année l'aide financière aux études, entre autres pour les mères monoparentales, puis aussi les gens les plus dans le besoin, en fait, qui ont accès maintenant à plus d'aide financière aux études. Mm-hmm. Puis bref, la GEQTR... Les mères monoparentales sont aussi des gens dans le besoin. Tu comprends-tu le gag de quelqu'un? Ah, je sais pas, je comprends pas. Mais c'est pas grave. J'ai de la comprendre et c'est tellement dégueulasse. C'est mauvais, hein? Ouais. Ah, ok, c'est correct. Donc, on est à l'Union étudiante du Québec pour la toute première fois de l'histoire de l'AGEUQTR, étant donné que cette association-là a à peu près un an d'existence. C'est comme probable qu'on y aille pour la toute première fois. Ouais. Il y avait eu un petit conflit qui avait éclaté entre l'AGEUQTR et certaines autres associations de région, puis les associations qui ont formé l'Union étudiante du Québec. Avant que ce soit toi au sommet, je me dis. Exactement. Donc, à ce moment-là, la GEQTR ainsi que les autres associations de région avaient quitté le tour de la table. En fait, nous, ce qui a guidé notre décision cette année pour retrouver, c'est qu'on a fait de la représentation sociopolitique des intérêts des étudiants de l'UQTR beaucoup. Oui, ça a fait jaser sur Facebook. Il y en a qui sont comme comment osez-vous sortir de vos bureaux? Ouais, on a comparé notre présence là-bas à avoir les deux mains dans la marde puis à sentir pour être sûr que ça sent le. Telle une mère monoparentale. Oui, exactement. Je ne compterai pas. Tu sais, je ne vois pas le rapport. Mais c'est mère monoparentale. Ah oui, les mains dans le caca, j'ai dit. Ah, c'est ça. Tu n'es pas réveillé un matin. Non, ouais. Hier, ça aurait été mis. Pas. Focus, Alex, pas oui. C'est puis bref, tout ça pour dire que on est allé là-bas puis que ça a quand même bien été somme toute. On s'est fait un peu snobé, mais quand même. Un peu snobé, tu dis. Parce qu'on était une université de région. Non, à cause de ce qui s'est passé. On n'est pas membre. On ne trosse pas parce qu'on va aller avec. Aussi, en fait, parce que là, présentement, c'est comme deux associations concurrentes. Puis bref, là, on va aux deux, fait que les deux pensent qu'on couche avec l'autre, fait que là, c'est comme... C'est tout le temps même. On peut-tu tout jouer ensemble, là, puis s'entendre? Non, pas d'orgie. Quel joueur de ce galant? Moi, quand je vois ça, le mouvement étudiant... quand je vois ça, le mouvement étudiant, honnêtement, là, ça devrait être comme une game de hockey, tu sais. Un référendum d'affiliation, c'est une game de hockey. Après ça, genre, pendant que t'es là, t'as le goût de t'entretuer, genre, pis, tu sais, c'est après, correct, t'es en compétition. Après ça, tu vas prendre une bière, tu décompresses, c'est comme, correct, vous avez gagné, félicitations. Maintenant, on peut travailler ensemble sur des dossiers qui importent vraiment aux étudiants. C'est pas comme ça, la politique, Alex. Je le sais, mais le mouvement étudiant est moins fort divisé que si jamais on décide de se rassembler sur plusieurs dossiers. Puis ça, honnêtement, c'est un mandat que je me donne pour après mon mandat parce que je suis plugué. Comment tu peux avoir un mandat après ton mandat? Moi, je me le donne à moi-même. Ah, OK, je comprends. Les instances n'ont plus rien à dire, là, je fais ce que je veux. Alex, c'est déterminé. C'est rebelle. C'est ça. Rebelle média. Donc, tu n'auras pas de poste à l'AGE, mais tu vas continuer de faire du militantisme. Ben, étudiant, probablement. C'est parce que, tu sais, j'ai un bon réseau de contacts d'établi, entre autres aux trois associations nationales étudiantes universitaires. Même que je les connais très bien, puis je pense qu'il y aurait moyen de mettre tout ça en relation pour le bienfait des étudiants, puis pour une meilleure représentation face au gouvernement des intérêts des étudiants. Fait que d'après moi, ça pourrait vraiment être quelque chose de positif. Votre futur premier ministre, madame. Exactement. Peut-être. Peut-être. Fait des ronds de mouvement étudiant. Avec une pancarte à côté de Justin Trudeau. Ben oui. Vous avez aussi été à l'AVEC? Oui, l'Association pour une voix étudiante du Québec, puis l'association, comme je disais, concurrente de l'Union étudiante du Québec. Avec qui vous couchez ailleurs? Oh, c'est ça. Toujours à l'hôtel. Votre maîtresse. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, l'UX s'est passé à Rouyn-Noranda. Puis le. Vous avez fait beaucoup de voitures, hein, ouais. Ou tabarouette. Le parc est très, très, très loin. J'espère que vous entendiez bien, les collègues de l'AGE. Oh, oui, on s'entendait bien. On a tous ben de la jasette. On a presque pas écouté la radio. On a parlé tout le long. Ah, c'est bon, ouais, ça me plante, était plus capable de nous entendre, moi, Fred. De toute façon, il n'y a pas si ouais. Effectivement. Puis ça, le jeu de l'AVEC s'est déroulé à l'Université Concordia, qui est d'ailleurs une très belle université. Mm-hmm. Là, c'est... Ils ont des très beaux buildings, puis en plus, c'est dans le temps de Montréal. Fait, c'était quand même plaisant d'aller là-bas. Puis sinon, justement, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, de revenir sur l'année, de structurer l'AVEC. Il y a le MAJUCAC aussi, qui est l'association étudiante de l'Université du Québec, à Chicoutimi, qui vient de s'affilier. Nommé par un fan d'Harry Potter, clairement. Exactement, clairement. Puis en fait, ils sont rendus à 43 000 de représentations du côté de l'AVEC, un peu moins de 100 000 du côté de l'UEC, mais vraiment ça l'avance bien, je pense, pour le mouvement étudiant. C'est sûr que c'est pour les deux organisations, c'est leur première année d'existence cette année, étant donné que la FERC a été détruite, en fait, il y a à peu près un an et demi de ça, deux ans. Donc là, présentement, c'est en train de se structurer, c'est en train de se reformer. Puis je suis bien confiant que dans les prochaines années, ça va avancer pour le mouvement étudiant. Bon, c'est bon, ça, on aime ça. Ensuite, on revient sur le gala reconnaissance de l'AGE. Oui, gala reconnaissance de l'AGE qui s'est déroulé au 10-12, il y a à peu près une semaine de ça, ouais. Exactement, qui reconnaissait l'implication des étudiants. À la base, j'étais supposé le co-animer avec François-René Laure, qui est directeur du service aux étudiants. Il y a eu un petit pépin technique, je dirais, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu co-animer ensemble. Ce qui a fait mais en voyons. Sorte. Oui. Qui l'a animé donc? C'est moi avec Alexandre Zwicky. Ah, okay. Alexandre qui est un maître de l'animation. Il fait lever la foule, il leur fait la vague, ça arrête plus. Exactement. Donc, sinon, c'est ça, une salle bien décorée, c'était vraiment beau. Il y avait, sinon, justement, de la bouffe, puis tout, puis des prix qui ont été remis à plusieurs étudiants, au moins une bonne cinquantaine de prix. C'était vraiment un bel événement. Ça a été un beau succès. Vraiment, super content. Puis les étudiants aussi ont tous bien apprécié. Ça s'est suivi ensuite d'un après-gala où il y a eu karaoké, entre autres. Puis, les photos sur Facebook. Exactement. J'ai fait un cover de Bohemian Rhapsody avec Marie-Chantal Delannée, qui est notre vice-présidente aux communications, qui a attiré quand même quelques personnes à commenter sur Facebook. Là. Mais vraiment, on a eu beaucoup de plaisir. Gala reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Ouais. Reconnaissance de l'implication étudiante, entre autres. Reconnaissance. Ben, en fait, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des événements. Il y a eu des prix comme l'événement de l'année, l'assaut de niveau 2 de l'année, l'assaut de niveau 3 de l'année. Puis cette année, pour la toute première fois, le prix, c'est François Fugère, qui est un chargé de cours de l'UQTR, qui est décédé cette année. Donc, pour souligner sa mémoire, étant donné que c'était quelqu'un qui était très proche de l'AGE-UQTR, qui venait passer du temps dans nos bureaux, puis taquinait un peu notre conseiller à l'exécutif. Ben, c'était qui, ça? C'est Fred Borel, qui se faisait taquiner par François Fugère. Fred Borel, qui est là depuis toujours aussi longtemps que moi. Oui, c'est ça, exactement. Fred commence à être, c'est ça, on le traite comme une personne âgée un peu, là. On t'avait dit acheter une marchette pour se rendre à son bureau. Mais tu sais, il est en bas de 40 ans, là, mais... Oui. vieux moi que tout aussi. Le monde, fait qu'on oui, c'est ça. Oui, toi aussi, Mathieu. Mais on a commencé dans le même temps. Ah, oui, c'est correct. Puis, bref, c'est ça, tout ça pour dire qu'on a souligné, puis on a remis pour la toute première fois le prix François Fugère, qui est une bourse accompagnée d'un trophée qui a été remis cette année à Marie-Ève Gagnon pour sa rigueur et pour sa présence, puis vraiment, ça, dans les instances de la GEQTR, c'est toujours quelqu'un qui est présent et qui fait bien son travail. Donc, on a décidé de souligner son implication. J'espère que le prix, c'était vraiment une plante, genre. Dans ah, un pot. Ça aurait été bon. Pour l'arroser, puis la vie continue. Puis... Ah non, mais non, finalement, c'est vraiment un trophée. Là. Il s'était là. Ouais. Il bougera plus. C'est le fun quand même. Ouais, ouais, ouais, c'est un beau prix. Fait, bref, ça a été un bel événement. Bref, voilà. Les éditions bien appréciées. Tant mieux. Ensuite, on va où après? Donc, ce qui s'en vient dans les prochains jours et semaines. Parce que genre c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, entre autres. Oui. Commençons par le BNB. Oui, BNB qui est le, ben, un autre gala reconnaissance, qu'on pourrait dire un peu. C'est pas vraiment un gala, par exemple. Parce que c'est vraiment plus une soirée VIP. Ça commence avec une soirée VIP à 20h pour les étudiants finissants. Juste les étudiants finissants qui peuvent rentrer à l'aide de leur carte étudiante avec un invité, peut-être si jamais il décide de venir accompagner. Fait qu'on peut pas y aller, Tania, c'est ce que ça veut dire. Non, attends, continue, Alex. Beaucoup de prix en liste, entre autres par le bureau des diplômés. On parle entre autres d'une voiture d'une valeur au-dessus de 10 000 $ qui va être retirée ce soir. Donc, venez faire votre tour, ça vaut la peine pour le tirage. Puis en même temps, ça va être super plaisant d'être avec les autres finissants puis de commencer à fêter un peu plus tôt. Donc ensuite, ça va être suivi par la soirée en tant que telle. On a séparé le setup, je pourrais dire, je le dis en anglais, je fais beaucoup d'anglicisme d'ailleurs. L'installation. va être séparée en deux. Donc on a l'ambiance chaise-galerie et l'ambiance 10-12. Donc l'ambiance chaise-galerie, comme à l'habitude, va être avec un groupe qui va être ce soir Pépé et sa guitare. Ben oui! Avoir quand même une bonne performance de lui. Qui revient de Québec d'ailleurs, puis il va avoir fait une autre performance dans la même soirée. Est-ce qu'il y a un nouvel album, quelque chose? Il revient comme ça dans... Je pense qu'il a toujours été dans le paysage. Genre. Il n'a jamais accepté jamais de devenir un has-been. Il y a une bonne opportunité de prendre la place un peu que Bob Bissolette avait. Là, ça, c'est vrai. T'sais, la musique de Soulon. Ouais. Effectivement. Oui, les gens qui boivent de la bière. Ben, comme Éric Lapointe et les Cowboys fringants. Ouais, c'est ça. Pareil. Même combat. Oui, puis en plus, on a pour s'assurer que le plus d'étudiants possible puissent profiter de l'endroit, on a fait installer deux chapiteaux, dont un sur la terrasse de la chaise-galerie, puis un à l'extérieur, qui vont être couverts. Puis on est allé chercher aussi des permis d'alcool qui vont permettre à ces deux endroits-là de fonctionner. Donc, on a vraiment agrandi le site. Donc, habituellement, c'est 900 personnes qui peuvent entrer sur le site au complet pour un party, mais là, on parle de beaucoup plus de gens qui vont pouvoir grâce au chapiteau. Puis en plus, l'année dernière, on avait eu une petite problématique. C'était que les permis d'alcool du 10-12 et du chapiteau qui était à l'extérieur ne pouvaient pas communiquer. Il y avait comme une scission entre les deux. Donc, les portiers devaient faire en sorte que les gens qui prenaient un verre dans le chapiteau restent dans le chapiteau, 10-12 dans le 10-12. C'était mais problématique. C'est le même alcool. C'est très problématique. C'est le même. Exactement. Ça n'a comme pas de sens. Si tu étais dans le 10-12, tu ne pouvais pas sortir du 10-12 avant d'avoir fini ton alcool. Ouais. Puis c'est une question de tag, en fait, parce que les tags des bouteilles et des différents trucs étaient pour des numéros de permis différents, en fait. Wow. À la SEQ. Ce qui faisait en sorte que la RAVG, s'il y avait une problématique, pouvait s'éveiller. Donc, on témoignait avec ça. Cette année, on est allé rencontrer la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Mm-hmm. Puis, on a fait en sorte d'harmoniser les deux permis. On salue quand même pour leur collaboration de ce côté-là, le gérant de la chaise-galerie, la protection publique, avec qui on a des relations parfois tendues, mais qui ont été super collaboratifs sur ce dossier-là. Je vais savoir reconnaître leur participation. Vraiment, ça a bien été. Puis, aussi Martin Lambert du côté du service aux étudiants qui a aidé à faire en sorte que. Martin, toujours Martin, parfait, Martin. Ce Martin. Il est partout aussi. Mais oui. On l'aime, Martin. Bref. On remercie tous ces gens-là. Oui. Donc, dans le 10-12, on va avoir quoi? Il va avoir... C'est vrai, je t'ai pas rendu. oui, il va avoir deux DJ, en fait. Mais en première partie, ça va être un DJ invité. Puis la deuxième partie, ça va être Krona, qui fait quand même quelques trucs ici en Mauricie, qui fait quand même un très bon travail. Là. Vous allez voir, c'est quelque chose de l'entendre mixer sur ses tables tournantes. Vous auriez dû l'inviter à l'entrepôt de bière hier, comme ça, vous auriez pu l'appeler Krona dans l'entrepôt. Je sais pas quoi en penser. Non, ça. Ça m'a quand même pris un petit 2-3 secondes à le computer, celle-là, puis là, jusqu'à fait « Oh, c'est bon. » Donc là, en théorie, ce soir, les gens devraient pouvoir passer du 10-12 à la chasse-galerie. Et de dehors en dedans. Pas du 10-12 à la chasse-galerie. La demande a été faite, mais la règle, j'ai dit non. C'est une question de circulation. Le corridor est trop restreint, fait que si les gens commencent à chiller dans le corridoir, puis ils vont faire ce qu'ils font déjà, parce qu'ils attendent pour aller faire pupi. Pas là d'avoir ta bière, hein? Ouais. Il y a des gardes de sécurité pour vérifier. Exactement. Ouais, il va en avoir encore ce soir. Fait que faut que tu laisses ta bière à un ami. Ouais. ou que tu la termines avant d'aller faire pipi. Ou que tu prennes les conséquences ou qui viennent avec. Ou tu bois de l'eau, là. Ouais. Est-ce que t'as le droit de sortir avec ta bouteille d'eau, mettons? Oh, ça oui. OK. Tout ce qui est pas tagué, en fait. Donc, on vous le dit, là. Vous n'avez pas le droit de passer de la chasse-galerie entre le 10-12 et le 10-12 à la chasse-galerie, mais de la chasse-galerie au chapiteau, oui. Et du 10-12 au chapiteau, oui. C'est ça. Puis si vous vous en rappelez plus, c'est pas grave parce qu'un agent va se faire un plaisir de vous le rappeler. C'est ça. Puis il y a déjà les toilettes chimiques depuis genre le début de la semaine, fait que vous allez pouvoir aller aux toilettes dehors si vous êtes déjà dehors sans avoir à aller en dedans. Mais l'année dernière, c'était assez difficile de pouvoir aller aux toilettes en dedans. Voilà. Oui. C'est peut-être pour ça. Hein. Puis aussi, en fait, il y a de la décoration puis de l'éclairage à l'intérieur de cette salle-là, plus que vous pouvez l'imaginer. À l'intérieur des toilettes. Ah oui, en décoration. Ah, c'est incroyable. Ah, ouais. Ah, vous allez voir, les... venez seulement aux toilettes, le party, ça vaut pas la peine. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est vraiment, c'est dans la salle, en fait, on a vraiment fait une grosse soumission d'éclairage puis de. Il va y avoir un light show, là. T'sais. Wow. Je voulais une ambiance New City Gas, mais c'est arrangé qu'il y ait une ambiance New City Gas. Et les spectacles sont une présentation de Sifu. Ah oui, pour vrai, qu'on est donc bien cool. Hein, tu savais pas c'est ça. Donc, c'est ça. T'as pas regardé les affiches. Pas tout. Les affiches de party. C'est sûrement la dernière affaire que je vérifie dans la journée, c'est les affiches de party même. Dernière affaire. Je me suis dit un DJ, pourquoi pas. DJ Corona en repos. Tout à fait. Mais oui. Il y a aussi le camp de transition qui arrive à grands pas, Alex. Oui, le camp de transition de la GQTR. Donc, mon mandat achète. Il reste 3 jours. Oui. Donc, après ça, je deviens un has-been officiellement. Ou un étudiant. Ouais, ben, c'est mieux être un has-been qu'une belle-mère, en fait, dans les faits. Là, parce que le has-been, il est comme là pour aider. Il te fait chier, genre... dans des événements traditionnels, genre un AGA ou des trucs de même, mais autrement, il fait pas chier l'exécutif en place. Donc, moi, j'ai occupé le rôle de has-been plus que celui de belle-mère. Ouais. Belle-mère étant revenir en assemblée générale puis essayer de changer des trucs un peu, alors qu'on a déjà occupé le rôle d'exécutant. Donc, c'est ça. Bref, j'ai choisi mon camp. je vais m'en tenir. T'es anti-belle-mère. Oui, on va dire en nom, t'es anti-belle-mère. Oui, c'est clair. Okay. Puis, en fait, notre ami Sébastien Evgartin se disait lui-même la belle-mère de la GA. Ça veut dire que tu l'haïs par association? Fait qu'il y a de la guerre entre nos chroniqueurs! Mais ça dépend, je les haïs pas par association, je les haïs pas vraiment, c'est juste que c'est pas quelque chose que je me sentirais bien à faire parce que je me suis... ça m'a fait, comment je dirais, courir, mettons, un peu en assemblée générale des belles-mères, c'est quand même... Ils te donnent des cracks auxquels tu t'attends pas, puis là, faut que tu répondes, puis il y a comme 60 personnes qui te regardent. Ah ouais. C'est pas l'expérience la plus agréable. Ouais, j'ai l'impression de vivre, une espèce de débat avec un journaliste, genre, tu sais, qui pitch des trucs, puis là, t'es comme, Chris, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ça crée un nombre en plus. Langage, wow, wow, wow. Attention. Donc, tu parlais du camp qui s'en vient. Oui, donc le camp qui se déroule en fin de semaine à Saint-Élie-de-Caxton. Mm-hmm. Donc, on va faire la transition des pouvoirs, entre autres. Encore du Harry Potter. Oui. Transition des pouvoirs. J'ai amené ma baguette magique. C'est un gros cocon. Puis après ça, on le mange à la fin, fait que c'est le fun. Ah, mon Dieu. Hé, il se passe des choses bizarres. Ils sont très proches, ça, là. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on va, s'occuper justement de transférer les dossiers puis expliquer un peu comment le poste fonctionne. On va s'arranger pour que le prochain mandat est le mieux possible. Déchiquer des affaires que tu veux pas que sache à ton sujet. Ah, c'est ça, partir avec des dossiers puis les remettre à la concurrence. Ils font ça en politique québécoise, je pense. Ah ouais. Change de parti, amène des dossiers. Mais là, est-ce que tu vas laisser tes affiches et tes belles couleurs dans ton local ou tout ça va partir après le premier? J'ai fait le calife des hein? J'ai décidé de partir. Ben, j'ai décidé de tirer le plaster vite. Ouais. Parce qu'autrement, ça fait plus mal. T'sais, en même temps, il y a comme personne au bureau hier. Fait que, tu sais, j'ai pu retenir la petite larme, genre. Okay. Ça a bien été, j'ai pas le goût de brailler, je suis parti avec mes affaires. Pis c'est bon, c'est réglé, là. Fait que là, lundi prochain, je peux comme arriver, prendre mon char, puis sacrer mon cœur. Ouais, mais tu vas quand même te faire reconnaître. Bon, je pense que oui. T'as encore ta veste de GE, tu vas sûrement continuer de porter. Est-ce qu'elle t'appartient? Non, ben elle m'appartient, oui, mais je pense pas continuer de la porter. Tu vas mettre un macaron par-dessus, là, genre, demandez-moi pour le mec poulet. Un truc McDo, c'est genre. Ça. Ah, non, mais on verra. Ben sérieux, il y aurait peut-être moyen. J'aurais peut-être des stickers. En tout cas, je vais regarder qu'est-ce que je fais avec ça. Ouais. Parce que le manteau est quand même correct. C'est un beau manteau. Je pense que c'est parti une petite business de lavage de toit d'MC que j'ai comme déjà avant. Fait que je vais mettre un sticker de ce logo-là. Puis c'est ça, je vais faire de l'argent à place de. C'est vraiment littéralement, Alex Marchand est un marchand de services. Mon grand-père est entrepreneur d'ailleurs, puis lui aussi c'est un marchand. Incroyable. Ah ouais. Fait que bref, mon père est comptable par exemple, c'est comme je vois pas nécessairement le lien avec le... Ben en fait, il y a un lien, il faut gérer l'argent des marchands. Ah, gérer l'argent des marchands, j'adore ça. Ah, wow. Ah, wow. Slogan. On pourrait quasiment faire, on peut partir. On gère l'argent des marchands. Ah ouais. C'est excellent. Wow. Hey, c'est cool. Génial. Bref, merci pour tes services pendant l'année scolaire. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir participé à cette idée-là un peu rocambolesque qui a été décidée sur un coin de table. Ouais, ben c'est ça. À la chasse-galerie de faire une chronique de la GQTR. On faisait ça par le passé, puis on s'est dit pourquoi ne pas recommencer. Et là, j'espère qu'en étant embarqué dans ce concept-là, j'espère que l'année prochaine, ça va revenir. Oui. Mm-hmm. Ben, je vais essayer de vous pitcher Marie-Chantal de l'année. Ou, j'aimerais ça pouvoir faire des jeux de mots de l'année. Là. Ouais. Tellement ça. Hey, tu pourrais faire plein de jeux là. Ah, j'aimerais ça. Hey, ça serait triste que t'en aies un à chaque émission qui soit différent. Tu sais, le gala de reconnaissance, la Marie-Chantal de l'année. Ouais. Marie-Chantal de l'année. Ah, ben oui, pourquoi c'est pas. C'est cœur. Le prix ça à chaque fois. Pas pire. Le prix de l'année. Le prix de l'année. Oh mon dieu. Bref. Bref, fait que c'est ça. Je vais essayer de vous pitcher une de ces deux personnes-là pour qu'elles viennent continuer cette chronique-là quand même. Un exercice super le fun. Absolument, et c'est même, je pense, nécessaire dans l'émission. Et comme tu as déjà dit, je crois que tu avais abordé le sujet à un moment donné, mais on est encore ouvert à ce que tu reviennes faire une chronique de n'importe quoi d'autre. Si tu veux venir parler de télé ou n'importe quoi, là. Ah, je vais peut-être glisser. Je vais peut-être venir parler de mon émission, même, là. Parce que j'ai rempli une fiche, mesdames et messieurs. Fait on l'a mis dans l'engrenage. Oui. Fait que peut-être qui sait que je viendrai parler de mon émission ou de ce que. Un peu de tout ça ou de l'actualité ou whatever, parce que je risque d'avoir quand même faire une recherche de contenu à diffuser. Tu commences cet été ton émission donc? Je pense que oui, parce que je pense me roder cet été pour avoir quelque chose de solide en septembre. Génial. Bon, parfait. Viens faire une chronique à Assemblage, puis fais ton émission, puis tu vas être vraiment parfait. Ouais. Comme tu l'as forcé à le faire. Merci, Alex Marchand. Et merci à vous aussi. Bon été, bonne transition. Merci. Bon déchiquetage. Okay, bon party ce soir. Ah oui, on va essayer, mais là, il faut que je bénévolise, par exemple. Ah. Tu bénévolises? Oui, je rentre des mots, moi aussi, Mathieu. Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que c'est, bénévoliser? Bénévoliser, ça veut dire ne pas être. Ça veut dire être obligé de faire du bénévolat, en fait. C'est pas comme faire du bénévolat, c'est bénévoliser. C'est moins bénévoligé. Ah, travail d'équipe. Je comprends ça. On se comprend dans les jeux de mots. Oui. I know the feeling par The Franklin Electric. Oh, je sais pas, c'était vraiment slick. Si on arrêtait de parler maintenant, c'est comme la transition parfaite vers la chanson. Ah, oh, ouais. Ouais. Fait que là, on continue de parler. Non, c'est pas d'allure. Il fait frais, attends, tu d'un coup, ça regarde. La porte est fermée, pourtant, je comprends pas. On va repartir. Okay. C'est ensemble à jouer qui jusqu'à 9h30. It's amazing how my eyes have grown to see the colors right. And I never thought it before I saw you last night. It's only tires on Franklin Electric et la pièce I Know the Feeling. Assemblage requis. Au retour, Tania Collin, qu'on va s'amuser avec Marilyn, la chef de la chasse-galerie. Oh mon Dieu! Au retour, assemblage requis. C'est fou! 89 ans. Dans l'assemblage Reiki accompagné de Tania Baudin et de Mathieu Plante, oui. Ou que oui. Oh oui. Il nous reste une demi-heure, 40 minutes environ à l'émission. On a déterminé nos affaires avec les chroniques qu'on avait, mais gars, on commence déjà à chiller là, comme on va faire cet c'est été. Ça. Tous les jeudis entre 14h et 17h. On est prêt à faire du n'importe quoi cet été. Tous les jeudis, il n'y aura pas de case horaire déterminée avec des heures précises. Non, là, c'est ça. Contrairement à maintenant, ou même si on est toujours en retard, mais quand même. Alors qu'à partir du 4 mai, les jeudis entre 14h et 17h, tout l'été, on va s'amuser avec une grosse pointe d'allresse. On va recevoir des gens. Probablement Alex Marchand va venir. Je me rappelle, qui d'autre a dit qu'il allait venir? Justine Renaud va venir. Oui, c'est vrai. Donc des gens comme ça, David Ferron peut-être une fois de temps David en temps. David Ferron peut-être une fois. On va avoir beaucoup de plaisir. Voilà qui est dit. Maintenant, par contre, pour se rattraper un petit peu en ce jeudi, en cette fin de journée, en cette fin d'émission, comme on le fait toujours, c'est le moment de faire une grosse pointe d'allresse. Une grosse pointe d'allresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir et on parle de nouvelles fast-food, pas du tiroir étant bien sûr du fast-food, de la nourriture malsaine, oui. Ou encore qu'on s'est procuré en dépanneur, en pharmacie, en épicerie, peu importe, même chez Cronin l'entrepôt, peu importe, rappeur de ce soir. Évidemment. Bref, donc aujourd'hui, on va faire ça dans un ordre un petit peu approximatif. Là, on est supposé avoir Marilyn Doyon, la chef de la chasse-galerie, qui devrait venir nous voir tantôt pour parler de son menu estival et faire un petit retour sur la session d'hiver. On a aussi ton produit à goûter. Et on a des nouvelles de fast-food à la tonne, donc on va commencer par des articles. OK. Ça te tente? On commence avec un hamburger qui vient avec une tasse de fromage fondu. Oh mon Dieu! Pour pouvoir tremper ou encore venir le verser sur ton hamburger. Ça s'appelle le Cheese Bomb Burger qui est disponible chez Maxwell's Bar and Grill à Londres pour 17$ américains, donc 14 livres sterling. Ouais. C'est un burger de 6 onces, des frites et une tasse de 8 onces de cheddar fondu. Oh my God! C'est plus de 1000 calories. Hey boy! Oui. Ça a l'air dégoûtant. Juste la tasse. Oui, juste la tasse. Dégoûtant, mais en même temps tellement délicieux. Oh my God. Le cheese bomb burger, t'as serré ça, c'est clair? Ben, probablement que j'aurais vraiment mal au ventre après. Là, oui. Fait que je sais pas. Et t'aurais des restants que je mangerais. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ensuite, c'est la grosse mode au Japon. On parle de bain de crêpes japonaise. De bain de crêpes japonaise. Bain de crêpes japonaise. Qui n'a jamais rêvé de prendre son bain dans du sirop, là? Hein? Du sirop. Moi? Toi, moi aussi. Donc, c'est le Morinaga Hot Cake Bath au Hakone Kowakien Unison Resort dans la préfecture de Kanagawa au Japon. Donc, c'est des bains qui sont faits pour célébrer le 60e anniversaire du mélange à gâteau Morinaga. Okay. Et donc, c'est de l'eau. Évidemment, le bain n'est pas rempli de sirop pour vrai. OK, phew. Le bain est rempli d'eau colorée brune avec de la vanille et de l'érable comme parfum. OK, phew. Parce que là, je suis pas sûre que ça soit bon de se mettre genre du sirop dans certains orifices. Je sais pas, mais tu sais, de la boîte non plus, je sais pas. T'sais. Est-ce que tu devais mettre la boîte là? Ça, je sais pas. Donc, c'est ça. C'est fait pour avoir l'air de sirop, mais ce n'est pas du vrai sirop. Ah, mon Dieu, c'est pas beau comme couleur. Non. Quelque chose de bon dans la vie, c'est bien les Starburst. Est-ce que tu manges souvent des petits bonbons mous qui pognent dans Starburst? Ben, je te dirais que j'en mange pas beaucoup, mais quand j'en mange, j'aime beaucoup les Starburst. Et quand t'en manges beaucoup? Ben, je passe au travers du paquet assez rapidement, merci. Donc, Starburst, édition limitée complètement rose. Ouh là là! Les gens, des fois, ont une couleur préférée de Starburst. Donc, les roses. Les roses, souvent. Ça va être seulement disponible pour un temps limité. Donc, si vous les voyez à quelque part, achetez-les. J'imagine que ça va être dans différents pays ou sur eBay ou peu importe. Je sais pas s'il va y avoir d'autres couleurs, mais pour l'instant, c'est seulement du rose. All Pink Limited Edition, c'est à la fraise, les roses Starburst. 240 calories par emballage. Voilà. Ensuite, quand tu prends ton bain ou ta douche... Oui. Hein, des fois le matin, est-ce que tu prends ton café avant, après ou pas pantoute? Après. Après. Ça dépend, il est quelle heure. OK. Les jours de semaine, lundi au jeudi, mettons? Ça va être après. Ça va être après. Et que dirais-tu si tu pouvais le prendre pendant? Oh my God! Oh my God! Comme boire sa bière dans sa, dans sa douche. Dont on parlait la semaine passée, exactement. Donc, santé aussi bon qu'une tasse de café toute fraîche avec un savon au café. Oh mon Dieu! C'est fait d'ingrédients naturels et de café en grains, là, de café, bien sûr. Ça va vous donner de l'exfoliation et ça va laisser votre peau plus douce que jamais, nous dit-on. Pour 9,50 $ canadiens, ça ne dit pas vraiment pour combien. Là, c'est sur le site de Etsy, donc fait à la main. On va aller voir les prix. 9,13 $ canadiens pour un seul savon. Café, procédé froid, là, évidemment, c'est tout traduit mot à mot sur Etsy. Donc, savon, café, procédé froid, savon exfoliant, gommage, savon, phtalate libre, huile de palme, gratuit, savon de cuisine. Ah, OK. J'imagine que gratuit veut dire sans, comme dans libre. Ouais. Libre d'huile de palme. Free, exactement. Les belles traductions. Etsy, tant qu'à faire, laissez le don en anglais, bah, c'est ça. C'est fait par les gens de chez Lippincott Soap Company. Ensuite, ah, Colin, tu sais, du café, on prend noir, le café? Oui. Aimerais-tu prendre ton eau noire? Ah, non. Non, hein? Donc, il y a de l'eau de source, il y a de l'eau minérale, il y a de l'eau de robinet, et maintenant, il y a de l'eau noire, black water. OK, puis ça fait quoi de spécial dans ben, la vie? Ben, c'est ça, ça ressemble à de l'huile à moteur. C'est vraiment laid. Comme on pourrait dire. Ouais. Mais en fait, c'est de l'eau de source canadienne pure. OK. Mélangée avec de l'acide fulvique. Mm-hmm. Hein? Donc, c'est à base de plantes. Ça vient d'une source qui date d'il y a 80 millions d'années. Mais ça vraiment. Permet l'absorption rapide de plus de 77 éléments minéraux différents, d'électrolytes, d'antioxydants. Et ça donne aussi à l'eau, évidemment, sa couleur noire. C'est sans sucre, donc sucre gratuit, comme dirais-tu. Okay. C'est ça, exactement. Sans sucre, sans caféine, sans calories et sans glucides. Et ça vient en emballage de 24 ou de... Non, de 8. Non, on recommence ça. 8. 11 par bouteille, ouais. Fois 24 bouteilles. Okay. 24 bouteilles de 8 onces. Pour... 43$. Pour 43$ sur Amazon.com. Voilà. Blackwater, BLK. Water. Ça sert à quoi de bord? Ben, à absorber des éléments. Et... Ouais, OK. Je sais pas. Ceux qui veulent vraiment être très, très over santé. Là. Ouais, c'est ça. Déjà que tu bois de l'eau, c'est déjà pas pire santé. Exact. Ensuite, la bière pour le Netflix. Tu sais, quand tu dis Netflix and chill, oui. Des fois, ça pourrait être chilled comme de la bière chillée, c'est froide. Hein? Tout à fait. Ça s'appelle le Brewed and Chilled. C'est de la bière qui est faite pour regarder Netflix. OK. C'est l'étudiant en design Razan Webby qui nous amène cette Netflix beer pour regarder des séries en rafale. C'est inspiré, c'est une stout inspirée par Stranger Things. Il y a aussi une Red Ale pour Sense8. Et il y a une Pilsner pour House of Cards. Donc, pour les gens qui regardent différentes séries, ont besoin de différentes bières. C'est comme de la viande, là, j'imagine. Ouais. Et de la combinaison de vin et de viande. Je sais pas trop quoi. Brewed and Chilled, c'est donc le nom de cette bière pour les séries Netflix. J'imagine qu'il est allé au goût, puis qu'est-ce que lui aime boire pendant une série. Probablement. Quelque chose de plus sec pour une série plus... dramatique. Puis science-fiction, c'est plus sucré. Juteux. Juteux, tu sais. Juteux. Ensuite, tantôt, on a parlé de savon pour dans la douche. Oui. Là, tu vas prendre un bain. Okay. Pour faire changement, tu vas te prendre des savons en forme de beignet. Ben oui, rien de moins. Pourquoi pas? Donc, rendez votre heure de bain ou demi-heure de bain plus sucrée en vous lavant avec ces barres de savon naturelles à la, au beignet. Oui, ben en fait, pas au beignet, mais en forme de beignet. C'est beau, par exemple. Oui, absolument. Ingrédients naturels avec un parfum de chocolat au lait et de fragrance de vanille avec un petit peu de sel d'Epsom. Dans les sprinkles sur le beignet, okay. Les sprinkles dessus. Donc, c'est du sel d'Epsom pour faire... Hydrater ta peau. Tiens, tu vois, j'attendais que tu finisses ma phrase parce que je ne savais pas le reste de la phrase. C'est comme ça que ça fonctionne à cette émission-là. C'est ça. Et voilà, donc ça coûte 16 $ canadiens sur Amazon.ca, en fait. Ouais. Ensuite, on revient à ce qu'on peut boire. C'est de la bière à saveur d'Oreo. Sur la photo, là, il ouais. Y a un verre. Ah, ouais. Il y a du plein. On dirait qu'il y a du pu de bouton dans la bière, je m'excuse. On dirait que quelqu'un c'est a pété son dégueulasse. Bouton. C'est vraiment dégueulasse. Mais bref, c'est supposé être de la crème d'Oreo, j'imagine. Donc, votre cocktail sera un petit peu plus sucré que d'habitude grâce à cette bière au Oreo fabriquée par Vale Brewing Company. C'est une stout au chocolat robuste, 7% d'alcool par volume. Et ça a pris des douzaines d'Oreo, en fait, pour réussir à avoir ce goût singulier. Mon Dieu. Pardonnez-moi, donc c'est sur Internet que vous pourrez trouver ça sur thevillebrewing.com. Mm. Ensuite, on va chez Ben & Jerry's pour de la crème glacée. Hein? Mm-hmm. C'est des saveurs de crème glacée fabriquées avec du vrai lait de céréales. On se comprend, le bol de céréales, ton lait, à la fin, mais ils ont fait de la crème glacée avec ça. Non, c'est ils l'ont récupéré où? Ben là, j'imagine que c'est pas quelqu'un qui a mangé son bol de céréales puis qu'on... j'imagine qu'ils ont fait tremper des céréales ou qu'ils ont essayé d'imiter le goût. Probablement plus qu'ils ont essayé d'imiter le goût. Ouais, c'est ça. Mais bref, vous allez pouvoir choisir entre Fruit Loot, comme du jus de Footloops. Ouais. Hein? Frozen Flakes, comme des Frosted Flakes. Ouais. Et Coco Loco, comme les céréales au coco, là, genre Reese's Puffs ou autre Nesquik. Ah, d'accord. Moi, je trouve ça vraiment fantastique comme idée. Hmm. Vraiment une bonne idée. BenJerry.com, pour en savoir plus. Cereal Splashback. Splashback, oui, c'est le nom de leur collection. Ils pourraient en faire plein d'autres. Là. C'est le début. Là. C'est pas fou. Pas fou, pas en tout comme idée. Ensuite, on parle d'un robot qui flippe des boulettes. Mm-hmm. Tu sais, c'est une job un petit peu redondante. C'est sûr que c'est pas la job la plus fun. C'est ça, on parle pas contre les gens qui font ça, mais vous devez juste vous emmerder royalement. Ouais, c'est ça. Ça. Donc, c'est Flippy, c'est un robot qui flippe des burgers, qui peut identifier différents ingrédients sur le grill et les faire cuire à la perfection. Oh boy! Ah, donc, une petite vidéo de présentation sur assemblagerequis.com. C'est le Flippy de la compagnie Miso Robotics. Hein? Et ça peut identifier des boulettes de burger et d'autres ingrédients sur un grill. Ça pourrait être poulet, pain, ouais. Burger avec fromage par-dessus pour faire du cheeseburger. Et ça va les flipper correctement chacun de façon différente. Il y a la compagnie, le restaurant de hamburger Cali Burger qui prévoit mettre des flippies dans tous ses restaurants pendant les prochaines années. Wow! Hmm. OK, ça va faire remplacer des jobs étudiantes puis des jobs de gens qui commencent dans le domaine du travail. Mais bon, hein? C'est le futur. Ça dépend, ils vont peut-être juste être plus pour assembler les burgers. Ben, c'est peut-être ça, ils vont juste sortir les boulettes du congélateur, ils vont mettre une tranche de fromage dessus à un moment donné. T'sais, la job va être encore plus plate. Mm. T'auras même pas l'objectif de pouvoir flipper ton burger parfaitement comme trois fois pour faire c'est des salsos arrière, salto, en tout cas. Ensuite, c'est mignon, c'est juste, on parle des fois de petites vidéos qu'on devrait aller voir sur Internet, là, si vous avez jamais vu passer ça, c'est des bonbons qui fondent sur de la musique classique. C'est juste cute. Donc, des bonbons qui fondent avec de la musique classique qui joue en arrière-plan, par exemple ça ici. Et là, on voit des bonbons aux fraises qui vont bouillir comme de l'eau de pâte. Et là, ça va se sucrer. Tu sais, quand ça coalesce, ouais. Un petit peu comme un genre, ça fait un petit... En tout cas, puis on les voit des fois vers l'avant et vers l'arrière. Donc, le petit nounours redevient un nounours parce qu'on le voit à l'envers, la vidéo, tu sais. C'est vraiment super cool. Du chocolat, il y a des jujubes, il y a des gommes. Des gummies. Hey, c'est vraiment spécial. Des lapins de Pâques, des Smarties, des petites réglisses là, surette. Ben oui. Des bonbons aux bananes, des cerises. Il y en a plein. C'est vraiment super excitant à regarder. C'est juste une petite minute, je trouve. C'est vraiment relaxant avec la musique classique tout en étant vraiment motivant. C'est vrai, hein? C'est comme ça relaxe. J'aime ça, moi. Pour regarder ça, je regarderai en boucle. Même, il y a des chocolats là, qui gonflent. Oui. C'est spécial. C'est vraiment cool. On a assez parlé de vidéos en ondes, mais allez voir, c'est le YouTuber Erwin Flemmer qui fait fondre des bonbons et qui filme ça sur sa chaîne YouTube. Le lien est sur assemblagerequis.com. Gagne sa vie de même. Ben oui, c'est ça. C'est-tu fait? Moi, je fais fondre du chocolat. Tu sais, les gens vont dire genre, n'importe qui aurait pu faire ça. Ouais, mais l'as-tu fait, toi? Ouais. T'aurais-tu fait le montage? Aurais-tu passé ta journée à filmer des bonbons qui bouillent? Tu sais, adapte ça au Québec, le Minton de Marimé derrière, ça va être... Version québécoise. Toujours dans une grosse pointe dans le reste. Maintenant, on parle de café. La semaine passée, on a parlé du café le plus intense au monde. Oui. Mais cette fois-ci, on parle de café au beurre d'arachide et à la confiture PB&J. OK. Peanut Butter and Jelly Coffee, qui goûte exactement comme un PB&J. C'est par la compagnie Bones Coffee Company. C'est eux qui fabriquent ça. Et selon le site, le premier goût commence avec un petit peu de raisin sucré et ça finit avec des arachides rôtis. Hmm. Vous pouvez prendre un sac sur le site de Bones, pour 20$ US. C'était quelque chose de tellement tentant pour moi. Tellement tentant. Et tu peux l'avoir en grain ou tu peux l'avoir moulu. OK. Sur bonescoffee.com. C'est le fun, ça. Génial. Ensuite, une autre mode. Tantôt, on a parlé d'un bain au sirop au Japon. On reste un petit peu dans le même domaine. C'est la plus récente mode des cubes Rubik, mais c'est des gâteaux. Oh, c'est cute! Oui, des gâteaux inspirés par les cubes Rubik. C'est un chef français, Cédric Grolet. Qui a été coté comme le meilleur chef de pâtisserie en 2016 par l'association Relais Dessert. Oh, d'accord. D'accord. Qui est une vraie association qui fait apparemment quelque chose de vraiment important. Mm-hmm. Donc, c'est des matrices qu'on appelle de 3 par 3 blocs. C'est des petits fours qui sont empilés sur une planche qui n'est pas mangeable. Donc, seulement la planche n'est pas mangeable. Et les petits... En fait, les planches entre les étages ne sont pas mangeables. Donc, il y a un étage avec 9 carrés, 9 petits cubes. Ensuite, une plaquette de plastique ou quelque chose comme ça. 9 autres. Une autre plaquette de plastique. 9 autres. Et finalement, ça fait un cube Rubik d'apparence. Mais tu peux évidemment pas twister ça dans les sens que tu veux parce que les tablettes entre chaque viennent gâcher le tout. Et on termine avec Budweiser. C'est pas quelque chose dont on parle très très souvent, là, de la bière grand public comme Budweiser. Mm-hmm. Mais leur Prohibition Brew non-alcoolisé. Très bonne. As-tu goûté à ça? Oui, je me suis saoulée avec. Non, mais c'est du 0% d'alcool oui. Bon, et ça goûte vraiment la Budweiser. Ben, c'est pas nécessairement une bonne chose. Non, mais c'est parce que c'est le fun, elle est pas alcoolisée. Ben, c'est ça. Si tu veux boire de la Budweiser, tant qu'à ça, boire de la non-alcoolisée si tu peux pas boire. C'est mais ça? Si tu veux boire de la bière qui est bonne au goût, il y a sûrement d'autres choses que de la Budweiser. Oui, clairement. Si tu veux de l'alcool dans ta bière, prends autre chose. Voilà. Apparemment que ça ressemble, comme tu as dit, à la Bud avec les mêmes ingrédients, le même houblon, levure, eau filtrée. Tout ça passe par le même processus de vieillissement de la bière. Donc, c'est apparemment complètement identique, sauf pour l'alcool qui est enlevé. En fait, l'alcool, on dit qu'il est enlevé à la fin. Oui, exactement. C'est un processus qui se fait souvent. Ça se fait aussi dans le vin. Oui, tu vois. Désalcoolise les alcools. Génial. Disponible au Canada en premier et ensuite aux États-Unis. Donc, allez voir sur le site de Budweiser pour la Prohibition Brew. Moi, je n'en avais pas entendu encore parler parce que j'écoute jamais la publicité. J'en ai chez nous. Mais quand même. T'en amèneras en studio. Oui, on a le droit de boire de la bière en studio. Non alcoolisée. Non alcoolisée. Ben, en fait, on l'a bu alcoolisée pendant plusieurs années. C'est du passé, c'est derrière nous, tout ça. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Donc, voilà pour les grosses points d'adresse. Les notes de l'émission sont sur assemblagerequis.com. Barre oblique. Mettez la barre oblique. Faites enter. Ouais, c'est ça. Assemblagerequis.com. Point. Puis, cherchez les notes de l'émission numéro 1102. Je sais pas pourquoi j'ai dit barre oblique, là. Je sais pas. Bref, on prend une pause. Et au retour, ça va être vrai cette fois-ci. Dans même pas deux minutes, oui. On reçoit Marilyn, qui est la chef de la chasse-galerie. On va parler de son été. Oui, reste là. Retour dans l'assemblage requis sur les ondes de Cifou 89 FM. Mathieu est avec nous. Oui, nous et toi et tout le monde. Oui, nous et toi. Et Marilyn aussi. Oui, Talia Baudin est là. Marilyn qui est chef à la chasse-galerie. On a toujours de la misère à prononcer son nom parce que sur Facebook, elle s'appelle Marie Polyester. C'est vrai. Faut pas le dire! Oups! C'est un nom de secret! On va couper ça au montage! Il n'y a pas de montage! Donc, Madame Doyon, nous qui sommes en direct comme ça ce jeudi matin, tu viens nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant la session et après ça, nous donner un avant-goût de ce qui s'en vient l'été parce que tu ne seras pas là. Oui, parce que la dernière fois que tu es venue en studio. Oui, ça fait quoi? Trois mois même. C'était le premier plateau ever de la chasse-galerie. Oui, en effet. C'était gros plateau. Très gros plateau. On s'était. Absolument. Donc, depuis ce temps-là, au mois de janvier, de février, de mars et maintenant d'avril, tu as eu 4 menus différents. Oui. Qui ont duré un peu plus sensiblement la même durée, pas mal. Environ un mois, en fait. Environ. Moi, j'ai manqué pas mal tout le mois de mars. J'ai pu goûter seulement à un seul sandwich, je pense, qui était exclusif au mois de mars et qui n'est pas revenu. C'était le smoked meat. Oui, c'est vrai. Une fois. Oui. Hein? Mais là, présentement, dans le menu d'avril, qu'est-ce qu'on retrouve pour les derniers jours? C'est pas encore fini, là. Non. Pour les prochains jours, profitez-en parce que le croque-monsieur s'en va. Il y a eu quoi? Il y a eu 4 mois? 3 mois? Oui, 4 mois, le chanceux. C'est un classique, ça. Le je pense qu'on peut le mettre le classique va revenir probablement. Donc, il y a eu le croque-monsieur qui s'en va de la ligne, ainsi que le mac and cheese. Le mac and cheese. 3 mois? 2 mois? 2 mois, je crois. 2 mois. Oui. On a grossi, la portion de mac and cheese. Doublé. Je pense qu'on a doublé. J'ai vu passer une assiette l'autre jour, j'étais comme... Ouais, on a augmenté la la quantité. La boulette. Ouais. Parce que moi, le vendredi, des fois, j'ai comme un plus gros appétit parce que j'ai pas déjeuné. C'est vrai. Je me prenais 2 repas, genre des sushis et un mac and cheese, mais les portions doublées de même. Ça fait assez. J'en ai eu pour apporter. C'est ça. Donc, on va te dire au revoir au macaroni au fromage, malheureusement. Oui. Après ça. En fait, dans le nouveau menu, il y a seulement le pokeball et le burger de saucisse qui restent. Mon préféré du mois, facilement, je l'adore. Ouais. Ça veut dire que le BLT vegan s'en va? Oui, mais il y a un nouveau qui va probablement être meilleur. Du moins, je l'espère. Ben, comment peux-tu faire mieux qu'un presque club sandwich avec une petite mayonnaise maison? Mon Dieu, c'est tellement bon. C'est tellement bon? Je vais faire des falafels maison. Ouh. Sur un pain nan. Donc, pain nan. Et voilà. À ta boy. Fancy. On se lance dans la haute gastronomie. Oui. Par la suite, il va y avoir une salade fraîcheur que j'ai publiée hier sur Instagram de la chasse, ainsi que sur mon Facebook. Marie-Paul Liesdon. T'as juste à pas accepter les demandes d'amitié. Mais ça veut dire qu'on se débarrasse encore de la salade de saumon, de bacon de saumon qui était adorable. Oui, mais elle va probablement revenir. Ok, le coup de cœur de tous les gens. Elle va probablement revenir. Et ça fait très, très estival, très fraîcheur. Ça va ressembler à quoi ta nouvelle salade alors? Il va y avoir du melon au miel, des oignons, poivrons rouges et zucchini qu'on va griller directement sur le grill. Oui. Celle avec des guillemets. Sur une petite plaque. Qu'est-ce que tu veux dire, là, avec tes guillemets? Bah, avec la machine panini, là. OK. On fait avec ce qu'on a. Et voilà. Puis, il va y avoir prosciutto que je vais transformer version bacon comme une petite fleur de prosciutto. Oh, ça va être du proche prosciutto bacon. Proche bacon. Oui, c'est ça. Avec une petite vinaigrette, sirop d'érable, balsamique. Oh, mais balsamique. De l'huile. Puis, c'est ça, j'ai... Du poivre. Avec la moutarde. De la moustarde, comme tu as dit sur Facebook, et du papeur. Oui, et le meilleur, du moins, je crois, pour les fanatiques de viande, c'est une sandwich au tataki de bœuf. Oh my God! Décris-moi ça. Le tataki, on entend déjà des fois parler dans le menu, c'est souvent à côté du tartare. Là. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça? Très mince. Oui, c'est tranché très mince. Je te dirais... Un centimètre d'épais, environ. Oui, environ. Donc, c'est ça, c'est une belle slice de bœuf que je vais mettre dans le pretzel bien haché, puis je vais le faire cuire des quatre côtés, puis ensuite, je vais le trancher en fine lanière. Je vais rajouter un pain baguette, ben un mini pain ciabatta. Oh, wow! De la belle petite roquette, des oignons frits, le tataki et une mayo au vin rouge. OK, le nouveau best ever à partir du mois de mai. Le menu pour l'été va être malade. Ça va rocketer. Mais ce sera pas malheureusement toi qui vas les faire tout l'été. Ben en fait, je suis là jusqu'au 23 juin. Donc, vous avez le temps de me voir la binette en arrière. C'est ça qu'on disait bien aujourd'hui. On a le temps de toutes les essayer avant que tu partes. Oui, en effet. Mais ils vont être là, en fait, pour le mois de mai et juin. Après, on va regarder ce qui se passe, les plus populaires, comme à l'habitude. Là. Parce que la session d'été, on va se dire, il y a un petit peu moins de gens. Et voilà. Les gens de l'école de français ont une carte pour aller manger à la cafétéria. Ouais. Fait qu'ils vont aller manger à la cafétéria, j'imagine. Hein? À moins qu'on les attire. Et voilà. C'est ça. Ça serait un très bon moyen. Puis en plus, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Le vendredi, quand je dis que je prends 2-3 repas, là, c'est pas ça cher. Coûte moins cher qu'un repas normal dans un fast-food. Et voilà. Ou à café. Ou à café. Bon, ben ça, tu prends un sandwich en carré, puis ça coûte c'est plus ça, cher ça que... Ça coûte 12 piastres. En tout cas, on les salue. Vous avez aussi lancé le traiteur. Oui, le traiteur... Oui, Chasse-galerie. Oui, le traiteur Chasse-galerie. Oui, ben c'est ça, mettons. Là. C'est ça. Mais on attend des appels. OK. Mais c'est pour qui, là, mettons, là? Ben, en fait, n'importe qui? On commence pour l'UQTR, pour les galas, pour des cocktails, exemple, que ce soit vous, que ce soit des étudiants qui se rassemblent. Ah oui, un petit 5 à 7, mettons, pour faire des 5 trucs à 7, comme ça. Ou vraiment comme un gros gala ou quoi que ce soit, on va être là pour les étudiants. Il faut attendre que les gens en parlent, puis on en parle ici, là. Ben oui, hein? C'est le fun, ça, on aime ça. Vous avez aussi la formule 4 à 7? Ouais, c'est... Ben, en fait, c'est 3,5 à 7,5. C'est comme un 5 à 7 réinventé. Extended edition. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des bâtonnets de fromage qui sont faits maison. Il y a des rondelles d'oignons faits maison aussi. Génial, fantastique et de calibre international. Dis Mathieu, qui a goûté? Il y a saucisse bacon aussi. Oh! Des nachos réguliers, puis poulet. Des bajibajibajibajibajou. Des budgies. Oui, avec une bonne petite mayo vegan. Ah ouais! La même que le. Moi, ouais, c'est quoi les budgies? Des budgies, en fait, c'est une petite purée de légumes et pois chiches. Ensuite, on va entourer de oignons. On va le fariner et le frire. Oh. C'est comme un petit beignet d'amour Miam. De l'Inde. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir l'ensemble de tout ça dans le 6-6-6. Dans le yaoble, parce que tu manges ça seul puis t'as mal en yaoble. Pour vrai, on était allé, il y avait une émission d'une chaîne compétitrice. Dans la chasse-galerie, l'autre fois. Appelons-les ici à Radio-Canada Première, 85 FM, Trois-Rivières. Appelons-les comme ça. Et puis, ils ont fait une émission live à la chasse-galerie et quelqu'un a gagné le 6-6-6. Oui, mais elle était toute seule. Elle était toute seule, oui, j'ai constaté. Puis elle mangeait ça, puis ça a duré 3 heures, puis il y en avait encore. J'étais la pauvre fille. J'étais comme, elle va rouler. Est-ce que je peux t'échanger le pichet que j'ai gagné pour le 6-6-6, s'il te plaît? En tout cas. Ouais. Mais bon, je l'ai pas fait, j'étais gêné. Donc, t'as bu ton pichet. J'ai bu mon pichet. C'est très bon, là. Mais oui, il t'a pas fait maison. Non, non, non, mais pas, ben, pas par nous. Tu n'as pas fait bien à la maison? Non, peut-être un jour. On verra. Un jour. T'as fait pas aussi une espèce de petite viande qui ressemblait à du beef jerky dans le 4 à 7? Quelqu'un s'est fait livrer du fusil quelque part. La confusion est facile à faire. C'est peut-être, ouais. Mon souvenir, non? Non? Non. Okay. Non. Mais je dirais que ce qui ressemble à du jerky, c'est le saumon, le bacon de saumon. Ah oui, c'est excellent. Profitez-en avant que ça s'arrête. Dans les dernières journées, hein, parce pas mal. Oui, il reste deux jours. Puis le reclaude de guacamole dans le milieu. On va se dire. Oh, c'est tellement bon. Tu veux te mettre la langue dedans? Mathieu. On se calme. Parlant de... Ouais, vas-y. Non, ben c'est ça, tu sais, on voit là-bas. Mais les potages. Oui. Ingrédients secrets, qu'on dira pas. que tu mets tout le temps. Ça ajoute vraiment du goût. Oui. Puis on aime ça. C'est un ingrédient secret. Ouais. Même. Mais chaque crème potage est différente à chaque jour. Oui. Oui, j'essaie de jamais faire les mêmes recettes. Et oui, je suis pas capable de suivre une recette. Ah, tu vas au goût, toi. Oui. Au goût, sauf qu'on rappelle, on l'a déjà dit la dernière fois que t'es venue, mais vegan. Vegan, Madame oui. Noyon. Donc elle goûte la plupart des choses et des fois se fie aux bouches des gens à la chasse. On peut dire végétarienne. Ah oui, t'as changé. Okay. Non, j'ai jamais été vegan. Non, je me rends pas là. Du moins, je pense pas. Mais végétarienne, oui. Ok. Je pensais que tu avais utilisé le mot vegan devant nous. Non, juste sur le menu. Ben, effectivement. On a dit potage différent chaque jour et salade d'accompagnement chaque jour aussi. Ça peut être du couscous, ça peut être des pâtes, ça peut être n'importe quoi. Oui, puis mes salades. Ces temps-ci. Vas-y. Les salades, j'ai fait toujours vegan. Si j'ai plus de mayo vegan, ben là, je le dis. Mais sinon, même les soupes, c'est toujours vegan. Il y en a de tout pour tous les goûts, littéralement, je pense. Vendredi sushi? Oui! Oui! Est-ce que les vendredis sushi vont rester l'été? Oui. OK. Oui. Je suis en formation de mon équipe de pour les sushis. Sushi. Oui. Mais ça rentre combien dans l'équipe? Ça a grossi depuis la dernière fois. Hein? On est 4 au total. Okay. Oh, oui. Dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais seule. Oui. Tu cherchais encore des gens et là, c'est fait. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus personne d'autre d'engager pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a plus de place. OK. Tout va bien. Puis ça roule, là. Oui, ça roule. Il y a de l'achalandage sur l'heure du midi. C'est effrayant. Oui, on adore big business, ça. On aime ça. Et on te souhaite, premièrement, une bonne journée parce qu'il faut que tu ailles travailler. On t'empêche de travailler en ce moment. Ben, c'est pas si mal. Il me reste ma salade à faire puis aider mon équipe. On l'a vu passer avec des bagels tantôt. C'est ça. Si on veut avoir notre repas ce midi. Oui, on se laisse aller. Donc, on a des sous-chefs maintenant. Des sous-chefs de sushi. Une sous-chef. Ça, c'est... Oui. Les autres, ça peut être des comment? Des prep-masters. On a aussi des cuisinières. OK. Bon. C'est ça. Personne va lui voler son titre de directrice. Des... de comment tu t'appelles, toi, ton rôle maintenant? Maintenant c'est t'as juste gens, chef, ça va aller. Okay. Juste chef. Juste chef. C'est le même nom que je t'ai donné quand t'étais tout seul. Fait que là, tu sais, ça n'est pas monté à la tête d'avoir plusieurs personnes. Mais non, mais chef est chef. Et chef est chef. Bon. Ils sont fait même des chandails qui écrit chef. Oui, oui, ils sont vraiment cool. Ils disent quoi? Le 91, ça veut dire quoi? C'est ton année de naissance? Oui, oui, oui, je suis bébé 91. Oui, l'autre qui est marqué 01, c'est littéralement né en 2001. Ouais, c'est parce que c'est la meilleure sous-chef. Ah, c'est okay. La première numéro 1. Parce qu'elle a eu 16. Aussi, aussi. Point 01. Ça aurait pu. Bref, t'es réinvité cet été, c'est avant de partir, après ton départ, après ton retour, n'importe quand. Parfait. On va te titiller, on va te t'agacer jusqu'à temps que tu viennes. Gars, on l'a forcé hier, puis est venu. Ben, c'est j'aime ça veut dire qu'il y a elle pas a même de fait une feuille de notes. Ben, non, oui. Ça, c'était ma feuille de notes, en fait, qui était déjà faite. C'est ta liste d'épicerie, hein. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, en tout cas. Prochou, ça. Merci, Marilène Doyon. Ben, ça fait plaisir. Bon travail aujourd'hui et on te retrouve dans quelques heures quand on va aller manger. Oui que oui. Bonne journée. On va se prendre une petite chanson. On va dédier ça à la soupe d'il y a quelques jours qui était au coconut. Ah oui. Ouais, on écoute Coconut Motel de Françoise à Assemblage Requis. Le premier jour de cette ville nouvelle, dirais-je. Françoise et Coco notre motel, assemblage requis. Toujours à l'émission matinale en pièces détachées et on est de retour avec la suite, en fait, de notre chronique Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe d'allresse. Comme je disais tantôt, c'est la chronique où on goûte à quelque chose qu'on s'est procuré dans le commerce, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on n'a encore jamais essayé. Et cette semaine, c'est Tania qui nous a apporté un beau petit produit qui est là, emballé dans une couverture comme un petit bébé. Fait que je pense qu'on va manger un enfant. Exactement. Non, en fait, j'avais pas de sac pour pouvoir cacher le produit en tant que tel. Alors, je l'ai enroulé dans mon foulard matinal. Et ton énorme foulard matinal, on va dire. Mon énorme foulard matinal. Mathieu, est-ce que tu connais le popcorn Bad Monkeys? Non. Ah, pour vrai? Bad Monkeys? OK, oui. C'est un popcorn québécois. Et ils ont passé, en fait, à l'émission Les Dragons. Ce sont des frères et des sœurs. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Bad Monkeys? En fait, ça s'appelle comme ça parce que leur mère, quand elles étaient jeunes, elle les surnommait les Bad Monkeys. Ah, ils faisaient des petits tours, les garnements. Exactement. Donc, on parle d'une création géniale et délicieuse de quatre frères de Québec et Montréal. Qui, justement, une combinaison de quatre frères. Dans chaque sac, il y a quatre frères. C'est ça, t'as tout compris. Il n'y a aucune arachide dedans. Donc, pour ceux qui sont allergiques aux arachides, il y a un gros signe comme quoi vous n'allez pas mourir si jamais vous mangez ça. Sinon, ça peut aussi ressembler à une serviette sanitaire brune. Aussi. Mais bon. Il y a plusieurs sortes de saveurs différentes avec le popcorn Bad Monkeys. Si on se fie à, par exemple, l'étagère que j'ai vue hier à l'épicerie, parce que c'est comme ça que je me l'ai procuré, je suis allée à l'épicerie. On en retrouve un peu partout, honnêtement, dans n'importe quelle épicerie. Ceux qu'on retrouve, eh bien, aujourd'hui, j'ai amené, parce que je t'ai posé la question. Tu files sucré ou salé? J'ai évidemment répondu les deux. Exactement. Par la suite, je t'ai demandé, tu files mou ou croustillant? On se rappelle que j'ai répondu croustillant. Exactement, parce que mon deuxième produit était mou, alors j'ai décidé de prendre le croustillant qui est le popcorn. Et aujourd'hui, je vous ai amené saveur fromage nachos et caramel. Et le mélange Boston un peu, là, comme on aime. Style. Et le mélange, c'est le mélange bad girl. Bon, le sexisme encore, là. C'est des filles qui peuvent boire, qui peuvent manger ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça quand même drôle. Donc, vous les procurer, par exemple, chez IGA, Maxi, Provigo, Metro. Ils se trouvent toutes là. Puis, vous en avez vraiment différentes saveurs. Comme je vous le disais, vous avez l'original. Vous avez chocolat et sel de mer. Oh, miam. Vous avez aussi cerise rouge, qui est original, oui. Par la suite, vous avez celui que j'ai dans les mains, qui est le fromage nachos et caramel. Vous avez aussi crème brûlée caramel. Oui. Sucrés ensemble, c'est comme ultra sucré. Exactement. Vous avez aussi le québécois qui est sirop d'érable et sel de mer. Oh. Vous avez par la suite le Twister qui, lui, est sel et vinaigre et barbecue. Crème, ils se sont vraiment donnés, ça a l'air excellent tout et ça. Et ils sont la plupart du temps à 2 pour 5 $ Donc hier, j'ai fait l'achat. C'est pas cher. Non, je sais. Donc hier, j'ai fait l'achat de fromage nachos et caramel, mais j'ai aussi acheté, parce que ma mère est une amatrice des saveurs sel et vinaigre. Mm-hmm. Donc j'ai acheté à ma mère sel et vinaigre et barbecue. Ah, ça m'intrigue, mais et j'ai je dois goûté, dire, hein? Oui, je dois dire que j'y ai goûté, mais c'est vraiment bon. OK, tu mets vraiment l'eau à la bouche parce que j'adore ces saveurs-là que tu as mentionnées, j'adore le popcorn. Ben, je sais pas si t'aimes le chocolat, j'imagine que t'aimes le chocolat. Je sais pas si t'aimes la saveur de fraise, mais on a aussi le choco-fraise. Wow! Donc, ça fait genre napolitaine un peu. Ah ouais, c'est fou. Ils sont, les petits sacs sont quand même gros, là. On parle de des sacs de 145 grammes, donc 5,1 onces. Et ils sont 2,99 ou 2 pour 5 la plupart du temps. C'est vraiment pas cher. Je pense qu'ils se font avoir en fait en vendant ça aussi peu cher que ça pour le popcorn. En fait, je sais pas, mais ça a tellement l'air bon. Les sacs de popcorn fancy, là, tu sais, que t'achètes Cretons, je sais pas pourquoi, c'est même plus cher que ça. Oui, c'est vraiment plus cher que c'est ça. C'est des plus gros sacs, on va se le dire. Probablement. Écoute, je pourrais pas te dire. Donc, comme je le disais, c'est une famille de quatre frères qui ont décidé de faire ça. Lorsqu'ils sont allés au Dragon, ils étaient plusieurs. Par exemple, il y avait une fille qui était là. J'ai voulu savoir c'était qui la fille, puis je trouve pas. La bad girl du nom de ton popcorn d'aujourd'hui, c'est peut-être elle, peut-être, la bad girl. Peut-être genre la blonde d'un de ceux qui sont là. Peut-être mais en prison, on sait pas. d'être rendu en prison, peut-être. Puis, ils travaillent beaucoup aussi avec les services qu'ils offrent. Donc, par exemple, ils travaillent avec les fondations, donc ils aiment redonner à la communauté. Ça fait partie d'une fondation de charité. Ils ont des soirées cinéma aussi pour les bons... Quand on y pense. Ils font des activités scolaires parce qu'ils ont une mascotte. OK. Donc, c'est un singe? Ben oui, c'est un singe. Le Bad Monkey, c'est pas devenu si bon à faire du popcorn sans avoir été à l'école, évidemment. Ah. Donc, chez Bad Monkey, ils sont toujours impliqués avec les écoles et ils vont aussi à des événements qui s'approchent. Donc, si jamais l'école veut faire amener, par exemple, je sais pas moi, des petits sacs de Bad Monkey à leurs étudiants, eh bien, ils peuvent le faire avec la mascotte. Ils font aussi des assemblages pour les mariages. Wow! Des événements corporatifs, les anniversaires, les événements sportifs. Si, par exemple, vous organisez un tournoi de soccer avec des moustiques, là, ouais. genre les jeunes qui commencent à jouer au soccer, bien, vous pouvez appeler Bad Monkey, puis ils vont venir pratiquer les sports avec vous, puis ils vont vous amener des échantillons. C'est donc, mais le fun! C'est hot, hein? On dirait une pub! Ils font aussi les festivals. Ouais. C'est malade, ils sont partout. Bad Monkey! Puis c'est vraiment bon comme popcorn. Moi, j'ai goûté l'original d'abord. Ouais. Parce que ma mère avait acheté l'original. Puis j'ai passé devant le rack où il y avait les différentes saveurs. Puis j'ai fait « Oh, oh, oh, oh! » Faut dire qu'ils sont vert fluo et ils sont très attirants. Les couleurs sont très flash. Oui. C'est comme « Regardez-moi! » Et la plupart du temps, vous allez les retrouver dans l'allée des chips. Ouais. Le micro magique nous attend après l'avoir échappé par terre, ce Bad Monkey-là. Fait pas de miettes. C'est malaisant un peu, hein? Donc, ça s'ouvre vraiment facilement, là, parce que t'as des petites coches et le sac est refermable. Ah, oh, c'est ce qu'on adore. Parce que je sais pas toi, mais moi, la plupart du temps, les sacs de popcorn qu'on retrouve à l'épicerie sont pas refermables. Le popcorn devient mou. Ouais, c'est et là, tu dis, il faut que je passe au travers aujourd'hui. Ben oui. Donc, celui-là, c'est totalement le contraire. Vous allez entendre. Oh, voilà. Vous voyez? Celui-là, on rappelle, c'est fromage nachos. Oui, fromage nachos, c'est caramel. Caramel. Ah, oh, ça sent vraiment bon. OK, je vais m'en prendre un petit peu de caramel parce qu'il y a plus de fromage nachos qui est sorti de ce côté-là. Donc, je vais te prêter le sac, Mathieu. Merci beaucoup. On n'a pas d'assistant aujourd'hui, on se débrouille tout seul. Non, c'est ça exactement. Donc, je m'en verse aussi un peu de chaque saveur. Il semble y avoir aussi un petit peu de barbecue sur certains grains de fromage, mais j'imagine que c'est juste la poudre à fromage qui est vraiment foncée comme ça. Je pense que c'est plus ça. D'après moi, ils doivent faire ça dans des machines indépendantes. Probablement. Est-ce qu'on goûte un à un ou vraiment comme on est supposé un de chaque en même temps? Je me suis posé la question, est-ce qu'on goûte un à un puis par la suite les deux ensemble? Je pense qu'on fait le contraire. OK, les deux ensemble par la suite, un à un. C'est ça, parce que c'est comme ça qu'ils vendent, là. Ils vendent ensemble. Ouais, t'as bien raison. OK. On y va? Donc, les deux ensemble. Ça goûte le nachos. Donc, c'est bon, hein? Le caramel? Oui. Ah oui, on le sent. Les deux sont vraiment présents. Il y en a pas un qui domine l'autre. Non, ils se battent pas, là. En fait, ils se battent. Dans les sacs Boston, bien souvent, tu vas dire, le fromage, là, je le goûte pas vraiment. Le caramel sort vraiment gros. Là. Si vous regardez les grains là, en fait, de caramel, mettons, là, sont vraiment couverts de caramel, comme il reste pas grand popcorn blanc dessus que vous pouvez voir. Même chose pour les grains de fromage nachos. Je pense que j'ai goûté à un grain de fromage nachos seul, fromage voir ce que ça goûte. Seul. OK, allons-y. Il est un peu pas fade, mais... Tomaté, genre. Tomaté. Ça goûte le popcorn normal avec un soupçon de nachos. Ouais, il y a un petit goût piquant à la fin. C'est tu vrai. Le goûtes-tu? Là, oui. Faut souvent attendre que la salive fasse son effet. Exactement. Ouais. J'aime bien. Allons-y pour le caramel seul. Ouais. Tout seul, il est plus présent. Ouais. Le caramel. Très bon. Il y a aussi un genre de petit... je trouve qu'il y a un petit peu de pas de brûlé, mais de bien cuit. Ah, j'aime ça, moi, aussi, du caramel brûlé. Je préfère ça un petit peu cuit. On dirait qu'il est comme vraiment juste à la limite de la perfection, là. Tu vois, là, je goûterais le crème brûlée caramel. Ouais. J'aimerais essayer celui de ta mère, celui au vinaigre. Celui vinaigre et barbecue. Je t'en amènerai un pour la session d'été. Merci. C'est super bon. C'est vraiment très bon. Ouais. Il se mange bien. C'est du bon popcorn. Je sais pas... Il n'y a pas grande différence dans les différents grains de popcorn. Je pense que c'est pas mal universel. Oui, tout à fait. Mais c'est la saveur qui compte. Et la saveur est réussie. Donc, Bad Monkey. Génial. Je vais certainement m'en procurer d'autres. Produit québécois à encourager. comme quand tu croques dans les grains au fromage, à un certain moment, tes narines se débloquent. Ah oui! J'avoue qu'on aurait pu prendre chacun une poignée de fromage, une poignée de caramel au lieu de juste un à la fois. Peut-être que ça aurait été plus facile de goûter le goût. Là, j'ai deux fromages, un caramel, parce que le caramel est quand même plus couvert que les grains de fromage selon la couleur qu'il a. Fait que je vais y aller. J'ai pris une grosse bouchée, une grosse poignée, et le combo est parfait ensemble. C'est merveilleux. Ils sont égales. Il n'y en a pas un qui pile par-dessus l'autre. C'est bon comme goût. Mm-hmm. Tu vois, je croyais pas aimer ça parce que j'ai déjà goûté les formules Boston. Je dois avouer que je tripais pas tant. J'adore le mélange Boston. Bad Monkey, tu gagnes des points. Voilà. Vous pouvez faire l'achat en ligne en passant. Ah, pour vrai? Ouais. Hey, se faire livrer une caisse de Bad Monkey. Tu peux. Hey, c'est l'envie, là. L'envie est là, là. C'est fou. Un de chaque sac, minimum. Ouais. Peut-être deux de chaque sac. Trois, vu que je préfère les chiffres impairs. Oh my god. C'était super bon. Bad Monkey, c'est au fromage nachos et caramel. Merci, Tania, de nous avoir apporté ça en studio. Oh mon Dieu, ils ont d'autres saveurs, Mathieu. Que t'as pas dit tantôt? Ils ont Choco Loco. OK. Ils ont Annette Délicieuse. Ouais. Crazy Ketchup. Ben voyons donc. Le Big Cheese. Mm-hmm. Bacon Cheddar. Ouf. Jalapeno Cheddar. Ben, ça arrête jamais. Pink Cherry. Comment est-ce qu'ils ont eu? Et crème sure et oignon. Ben, attention, attention, framboise bleue. Crème sure, oignon et framboise bleue? Ben OK, oui. Mais ça doit être ceux qui sont pas disponibles en magasin. De faire ça les doit, commander sur Internet. J'imagine. Les faits sur mesure, sur demande. Parce que c'est marqué communiquer avec nous pour nos autres saveurs ou pour en personnaliser un. OK, non, il faut s'en commander en ligne. Faut se faire ça. Il y a aussi Ghost Pepper. Ça m'intrigue tout ça. Je suis comme wow. Je suis sous le charme de Bad Monkey. Je donne tout mon argent à Bad Monkey comme au dragon. Bad Monkey. Prends tout ce que j'ai. Merci encore, Taya. Ça fait plaisir. Une grosse pointe d'adresse, on fait ça toutes les semaines. Et comme on passe au format estival à partir de la semaine prochaine, le 4 mai, on va faire ça en après-midi et jeudi, entre 14h et 17h, tout l'été, soyez-y. Nous, c'est la fin de l'émission avec un léger retard comme ça, mais ça valait la peine, je pense, aujourd'hui. Ça valait la peine. Le popcorn était tellement bon. Ça vaut toujours la peine de dépasser. C'est ça le résumé de l'émission depuis toujours. Voilà, merci à Alex Marchand de la GEQTR pour sa chronique sur l'Association générale des étudiants nucléaires. Merci à Marianne Doyon, chef de la chasse galerie. Mm-hmm. Merci à toi, Talia Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On ne se retrouvera pas lundi à 16h30 parce que ce sera la session estivale. C'est notre dernière émission aujourd'hui. On remercie tout le monde qui a participé à travers l'année scolaire. Qui que vous soyez, il y en a trop pour les nommer, mais merci à chacun d'entre vous. Merci à tout le monde d'avoir écouté du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On va se retrouver évidemment un jour. Ben oui. Mais non, mais on se retrouve jeudi prochain. Mais on commence une chose à la fois avec jeudi prochain. C'est ça. À partir du 4 mai, les jeudis entre 14h et 17h sur le 89 FM. Talia va être là, je vais être là. Des chroniqueurs vont passer. Beaucoup moins d'horaires précis. On va vraiment y aller comme plus freestyle, plus chill. Mais on va faire une grosse pointe d'adresse. On va s'acheter des gadgets sur Internet. Talia va nous divertir. Tout à fait. Voir de la musique de Palmarès. Et ça va être dans une ambiance totalement estivale. Donc soyez-y jeudi, 14h à 17h. On se quitte là-dessus et on se retrouve. Bye bye. Bye, bon café là. Oui, bon café. On va en prendre pareil, les le café. Ben oui. Ça, ouais.